disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative. Saison numéro 6, épisode 17. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative. En un seul mot, pas d'accent bien sûr sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum d'Europe Écologie Les Brins, l'adresse suivante eelb.su, l'occasion pour vous de commenter les articles qui paraissent sur le site de Démocratie Participative ou d'ouvrir de nouveaux sujets, de participer aux différentes sections du forum, notamment sur les cryptos, l'informatique, révisionnisme historique, actualités diverses, sport, bref, il y a beaucoup de sujets abordés et abordables. Alors, avant de remercier nos donateurs comme toutes les semaines, je vais présenter les membres de cette semaine. Alors, je vais commencer avec Fulbert, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf, et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Est aussi cette semaine avec nous Pierrot, salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Présent également cette semaine, le docteur Porot. Salut Porovitch, comment vas-tu Porot? Salut Gandalf, salut tout le monde, content d'être là. Et enfin, est avec nous cette semaine le cardinal, toujours en retraite spirituelle, mais qui... est venu nous apporter un peu de sa lumière, et cette semaine, nous en avions particulièrement besoin. Comment allez-vous, cher cardinal? Oui, salut Gandalf, salut tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, sur une journée marquée sous le signe de la religion, donc je viens me prêcher. Oui, nos auditeurs vont très vite en prendre toute la mesure. Alors, avant de commencer cette émission... je vais remercier nos donateurs. Alors, je vais commencer avec les donateurs qui sont anonymes, ceux qui nous soutiennent grâce à Monero, car vous savez que c'est notre crypto-monnaie de choix qui garantit l'anonymat des donateurs ainsi que le montant des transactions. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui ne se manifestent pas, qui ne nous envoient pas de messages. Ce n'est pas pour autant qu'on ne pense pas à eux, bien sûr. Et aussi à nos donateurs qui se manifestent. Si vous faites un don, vous pouvez toujours nous écrire, bien entendu, pour que nous vous remercions en ligne, c'est bien normal. Alors, j'ai eu Octavius cette semaine qui nous écrit le courrier suivant. « Bonjour, chers amis de Démocratie Participative, j'ai l'honneur de vous adresser ce mois-ci un nouveau don de 0,05 Monero. J'aimerais à nouveau rendre hommage aux travaux de la galaxie Faits et Documents ce mois-ci. Avez-vous visionné le nouveau documentaire sur Jacques Attali? Alors, non, je ne l'ai pas fait, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas fait, j'aimerais bien combler cette lacune. En revanche, j'ai eu les réactions de gens qui l'avaient lu et qui avaient trouvé que ce documentaire était vraiment très bon, mais moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas de raison de douter que ce ne soit pas bon. Et apparemment, donc ces personnes ont fait visionner ce documentaire à des proches qui n'étaient pas nécessairement si vous voulez, au fait de la personnalité d'Attali, de son parcours, de son influence, bien sûr, des projets aussi qu'il soutient et qu'il anime. Et apparemment, ça a été une grosse claque hein, pour ceux qui l'ont vu. Vous voyez, qui ne sont pas de nos milieux, qui ne sont pas sensibilisés à toutes ces questions qui peuvent nous intéresser par ailleurs. Donc, a priori, ça a l'air d'être bien. Voilà. Mais je ne peux pas m'avancer davantage, je ne l'ai pas visionné. Mais bien sûr, n'hésitez pas à vous reporter. Alors, je crois que c'est le site d'Égalité et Réconciliation hein, qui... parce que le documentaire est d'accès payant. Je ne suis pas bien familier hein, avec ces offres-là. C'est vrai que je ne suis pas familier, mais je crois que ça coûte 5 euros, je crois. Mais reportez-vous à ça, je pense que vous trouverez tout. Sur ce, commençons cette émission avec notre première rubrique, Autisme Radical. Et elle n'a jamais aussi bien porté son nom, cette rubrique. Je dois dire que je n'ai eu que l'embarras du choix cette semaine pour choisir, car les sujets se multiplient. Là, c'est actu.fr qui nous envoie à Toulouse. Dans un pénitentiaire. Alors voici cet article. C'est une situation inédite à Toulouse, Haute-Garonne. Pour la première fois, une détenue transgenre de la maison d'arrêt de Cesse vient d'obtenir une décision judiciaire, son changement d'affectation dans le quartier des femmes. Un transfert rendu possible à la suite de son changement d'état civil acté devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire le 19 février 2021. Bien que placée à l'isolement, l'arrivée de cette détenue, prénommée Jennifer, a provoqué des remous dans les rangs des surveillants pénitentiaires et plus particulièrement chez les agents femmes. La raison, les fouilles corporelles. En effet, si Jennifer a changé d'identité, elle conserve ses attributs masculins. Mal à l'aise à l'idée de voir et de toucher l'appareil génital de la détenue, les gardiennes ont alerté les syndicats. Que cette détenue ait changé de sexe, ce n'est pas le problème. Par contre, que l'on demande à des surveillantes de fouiller un homme, là, il y a un vrai souci. Les agentes n'ont pas le droit de pratiquer des fouilles sur un homme, comme il est interdit pour un agent de le faire sur une femme. Cette décision de justice va tout simplement à l'encontre de la loi. Dans cette affaire, on marche sur la tête. Donc ça, c'est la réaction du syndicat. Contacter la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse explique simplement qu'une décision a été rendue par l'autorité judiciaire et que par conséquent, elle ne souhaite faire aucun commentaire. Une posture dénoncée par les syndicats qui accusent leur direction de se réfugier derrière cette décision du tribunal et de ne pas prendre la défense de leurs employés. Pour se faire entendre et essayer de trouver une solution, une lettre datée du 12 avril a été envoyée au procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari. On ne demande pas son transfert dans une autre prison. On veut juste que le personnel ne soit pas entravé dans son travail quotidien afin d'assurer la sécurité de toutes les détenues. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Si la détenue en question se bat, agresse quelqu'un sexuellement ou encore introduit illégalement un objet après un parloir, parce qu'elle n'est pas fouillée, la faute va retomber sur qui? Sur les surveillantes, qui risqueraient une retenue sur salaire, un avertissement ou encore un licenciement pour faute grave. C'est tout simplement inacceptable. Pour l'avocate de Jennifer, maître Marie-Ange Cochard, les problèmes de sécurité et d'agression soulevés par les syndicats pénitentiaires ne peuvent pas être imputés à sa cliente, car malheureusement, ils existent déjà en détention, je cite. Si elle entend que les surveillantes peuvent être mal à l'aise à l'idée de la fouiller, elles se doivent d'exécuter les lois. Et oui, pour l'avocate toulousaine, concernant les fouilles corporelles, la loi parle d'état civil et non pas d'attribut. Or, ma cliente est une femme aux yeux de la loi. Née en 1982, Jennifer est incarcérée à la maison d'arrêt de Cesse depuis le 21 juin 2020 pour des faits de tentative de meurtre sur l'homme qu'il aurait violé 2 jours avant son passage à l'acte. À son arrivée, elle a été placée à l'isolement par principe de précaution car elle a l'apparence d'une femme, donc au milieu de centaines d'hommes, cela aurait posé des problèmes, explique Maître Marie-Ange Cochard, insultée et malmenée, Jennifer a très mal vécu cette période d'après son avocate, d'autant plus qu'elle a été appelée « monsieur », alors que normalement les surveillants s'adressent aux détenus par leur nom de famille. Clairement, c'était une façon de nier son identité de femme. Je cite bien évidemment l'avocate là. Ce n'est qu'au début de l'année, au mois de février, qu'elle obtient son transfert au service médico-psychologique régional, le SMPR de la prison, un soulagement pour la jeune femme qui bénéficie dans cette unité de soins d'un accompagnement social et psychologique. Quelques semaines après son changement d'état civil, elle est de nouveau obligée de changer d'affectation. Transférée à la MAF, à la maison d'arrêt pour femmes, Jennifer est une fois de plus mise à l'isolement. Elle a très bien été accueillie à la MAF. Le chef de bâtiment a accepté qu'elle prenne part aux promenades et grâce à l'insistance de l'assistante sociale, elle peut aussi assister aux ateliers. Grâce à ça, sa détention prend enfin du sens. Et de conclure, aujourd'hui, on se concentre pleinement sur sa réinsertion post-carcérale et sur ses prochaines échéances judiciaires. Voilà, voilà. Alors, messieurs, le personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Toulouse, enfin à 16 plus particulièrement, n'a pas compris le concept de changement de sexe hein, et continue à le considérer comme un homme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bah, je suis moi choqué par les propos transphobes des surveillantes. Hein. Une femme, elle se considère comme femme, c'est donc une femme, donc je vois pas de souci. Ces surveillants n'ont pas compris ce qu'est une femme réellement. Hein. C'est effectivement que je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait ça, on ne naît pas femme, on le devient. Et mais Jennifer est devenue femme, elle l'est devenue. Donc, elle n'est pas née femme, elle est devenue. Et elle a trouvé un moyen d'avoir une détention à la fois assez agréable, hein, puisqu'il y a tout un tas d'autres femmes comme elle qui viennent lui toucher pompon hein, à chaque fois qu'elle va... au parloir ou autre. Hein. Donc c'est assez. Enfin, c'est une manière de comme une autre d'avoir des moments agréables hein, dans sa vie de femme. non, c'est formidable, hein, formidable. Il faut que ces fonctionnaires, qui sont déjà des agents de l'État, obéissent à l'État. C'est l'État qui définit ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Ce qu'est un Français, surtout hein, aussi ce qu'est un Français, c'est l'État qui le dit, ce n'est pas tes gènes, ce ne sont pas des chromosomes. Le chromosome, c'est une relique du passé. Surtout que les surveillants, les surveillantes en l'occurrence, pénitentiaires, sont très souvent des Antillais ou des Antillaises. Donc on peut déterminer qui est Français, qui est Française, on peut déterminer qui est un homme, qui est une femme. J'ai été choqué, comme Poro, par les propos « fouiller un homme ». C'est une femme. C'est une femme habite, mais c'est une femme. Donc ça, c'est des propos transphobes. C'est, je crois, en 2021, rendez-vous compte. Bon. En tout cas, c'est bon à savoir si, je sais pas, par malheur, je me retrouverai un jour en tôle. Parce que vous savez que maintenant, si vous êtes blanc et que vous dites « tiens, j'aimerais bien… » Ah, mais moi, blanc, je m'appelle Derrica, hein, c'est pas de problème. Ah bah oui. Ah, Pierrette, je suis désolé, Monique, hein. Monique de Pointe-à-Pitre, mais tu vas me palper les couilles, Monique, hein. Ça je vais te le dire, hein. Tous les jours tu vas me palper les couilles. Hein. Alors je me demande, c'est pas illégal de mégenrer quelqu'un en France en 2021? Ah si, enfin, il me semble, c'est une, enfin, ça peut être considéré comme discriminatoire, il me semble. Hein. Une discrimination, comme enfin, des paroles vexatoires. Enfin, bon, ouais. C'est... Oui, bah, bien sûr. Hein. Non, mais je crois que Alors, bon, la loi a dit, ouais. Donc, c'est marqué dans la loi, c'est une femme, donc voilà, il s'agirait de hein, d'obéir. Hein. Vous êtes des servitrices de l'État, servez. Je vais écouter, c'est noté. Donc Monique, tu vas me palper les couilles tous les matins, sinon je porte plainte contre toi. Ça, je peux te le dire. Mais bon, voilà, cet article comique a quand même mis en avant, je trouve, un problème bien plus grave. Enfin, en tout cas, je pense. Hein. C'est le manque de diversité, en fait, dans le personnel pénitentiaire. Oui. Je pense que le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas de surveillants transgenres. C'est dommage, parce que du coup, ils pourraient se palper les couilles les uns les autres, et ça résolverait tous les problèmes. Bah oui. Et surtout que parmi les détenus, il doit y avoir quand même un bon nombre de femmes musulmanes, quand même, je pense. Oui, c'est beaucoup de la beurrette, hein. À mon avis, je ne suis pas totalement convaincu que Charles Bronson reçoive quitus vis-à-vis de. Je sais pas, je sais pas. Mais là, ça devient compliqué, c'est-à-dire que. Mais alors là, comme la France, c'est quand même un vieux pays de culture catholique, on n'est pas encore au Royaume-Uni ou au Canada, donc. Mais au Canada, ça aurait été pris extrêmement au sérieux. Ça doit d'ailleurs être pris probablement très au sérieux, avec toute une série de dispositifs, de personnel. De... Enfin bon, en France, évidemment, surtout dans l'univers pénitentiaire, où comment dire, où ils ont, ils manquent d'effectifs, il n'y a pas assez de place, ils ont des tas de problèmes. Comment dirais-je, créer des espaces dédiés aux travelots, à mon avis, n'est pas encore parmi les priorités. Mais, compte tenu de l'influence du lobby pédo-LGBT, ça pourrait changer. Ça pourrait changer. D'ailleurs, ça a fait un article, c'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, on n'aurait pas trouvé un journaliste pour oser écrire un truc là-dessus. Il n'y aurait même pas eu de changement d'état civil. Maintenant, on change l'état civil, donc ça a des conséquences. Alors, c'est compliqué, puisqu'effectivement, nous avons des femmes habites, et donc, voilà. Je crois que ça commence à exister, les établissements spéciaux pour les transgenres. C'est mentionné dans l'article d'ailleurs, hein, ça s'appelle les hôpitaux psychiatriques. Oui. Ce qui est Est-ce qu'il curieux n'y a parce que ce sont des pas. gens qui sont très sains et qui n'ont pas de problème de psychiatrie, bien sûr. Mais bon, ils se retrouvent en psychiatrie, c'est curieux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une hostilité de la part des gonzesses envers les trans, en fait? Surtout les mecs qui sont passés pour des gonzesses. Bah si, c'est sous-jacent. D'abord, il y a un vrai. D'abord, blague à part, il y a un vrai problème sécuritaire. C'est-à-dire qu'elle soulève quand même un point. Enfin, les syndicats soulèvent un point qui est quand même pertinent. C'est-à-dire que ces femmes-là ne veulent pas palper un homme. Bon, même s'il se fait appeler une femme, elles ne veulent pas palper un homme. Du coup, qui est censé faire ce travail? Donc, il faudrait introduire du personnel masculin comment dirais-je, dans des maisons d'arrêt réservées aux femmes. Bon, tout ça suppose des changements importants. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit qu'il y a un flou juridique absolu. Donc, on a changé l'état civil, donc c'est une femme. Mais, dans les faits, c'est un homme au regard du règlement, etc. Donc, ça devient grotesque, mais ça peut très mal se terminer, en fait, hein. Ça peut très mal se terminer, parce que je le disais aussi en parlant des femmes musulmanes, des détenues, hein, très majoritairement issues, enfin, africaines ou maghrébines. Bon, ça pourrait très très mal se terminer aussi. Ça peut, ça, ça Alors, pourrait. ouais, j'ai une question, moi, du coup. Si les femmes musulmanes lui ouvrent la gorge comme un distributeur pèse, s'agira-t-il d'un homicide ou d'un féminicide? Ah, La c'est une bonne question question. mérite d'être posée. C'est là où il y a beaucoup de... Ah, féminicide, ah, il y a un féminicide. Donc là, alors est-ce que ce sera les deux? Donc ce sera une manière de faire concorde, de faire nation, je ne sais pas. Il y a toujours moyen de trouver un petit féminicide, même quand ça n'existe pas. Hein. Cette semaine, Ouais. il y a un bougnoul là, qui a tué sa femme Ah, en lui c'était bon tirant dans ça. le pied et en la brûlant. Voilà, il l'a brûlée vive. Et donc c'était Mohamed qui a tué Fatima, donc à peu près comme ça, hein, je ne sais plus Alors, c'était quoi les vrais bon, prénoms. c'est. Ouais. Et donc ils ont montré ça aux infos et tout, hein, attention, un nouveau féminicide. Alors qu'en fait, il suffisait de regarder un peu la gueule Les des personnes protagonistes, engagées. ouais. C'était un bougnoulicide, voilà, mais Oui. bon. Non, Enfin, puis c'est un c'est des. mécanisme de régulation naturelle Bien sûr. chez les prédateurs à la génétique douteuse. Ouais. Non, mais enfin, je veux dire, ils sont là, ils sont surpris, mais attendez, en Grande-Bretagne, dans la communauté pakistanaise, ce sont des choses qui se passent très régulièrement. Très régulièrement, un homme pakistanais, offensé par l'attitude de son épouse, qui peut-être, a refusé de faire la vaisselle ou a parlé trop fort, eh bien, le mari a le droit, hein, c'est dans la charia, hein, de lui balancer un bol d'acide en pleine gueule, hein. C'est quelque Bah chose qui est très fréquent. D'ailleurs, les Pakistanais, comme sont des gens généreux, balancent aussi, hein, des bols d'acide à la gueule, même d'infidèles, hein, qui croisent dans les rues, hein. Ça arrive assez souvent dans les rues de Londres. Et pour ne pas parler, bien évidemment, du Pakistan. Au Pakistan, c'est très très fréquent. Hein, c'est le sport national, hein, le jet d'acide, c'est. C'est le sport national. Une discipline voilà. olympique, quoi. Hein. Tout à fait. Hein, le vitriolage. La tradition indienne, où on trouve aussi des musulmans, mais c'est pas exclusif. L'astuce pour régler le problème de divorce, c'est pas toujours évident, c'est de, en fait, piéger la cuisinière de la dame et de faire sauter la dame avec sa cuisinière. Ah tiens, je découvre ce processus-là. J'ai jamais entendu parler. Il y a énormément d'accidents de cuisinières en Inde. Ah ouais. Bah, y a Sadiq Khan qui vient d'être élu maire de Londres, donc il est possible qu'on expérimente ça prochainement à Londres. Oui, oui, Sadiq, Khan le Sadiq a été réélu. Formidable. Oui, oui, donc voilà. Donc moi, quand j'ai entendu parler de effectivement de ce féminicide-là, puisqu'il faut se mettre à la novlangue, bon, t'as une mouquère intégralement voilée. Enfin, c'était assez rock'n'roll. J'ai suivi ça de loin, mais il y avait un voisin qui a dit « Ah, ça s'est joué à trois fois rien. J'ai presque réussi à empêcher le mec d'allumer, je crois. » Je crois que c'est ce qu'il a dit, je crois. Tu vois, ah, t'es là, ah, vas-y, non, ah, merde. Une torche vivante, quoi. Ouais. C'est dommage qu'il y avait une petite recherche esthétique quand même dans l'action, quoi. Ça fait un peu État islamique, je trouve. Voilà. État islamique qu'on importe en France. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, quand même. Bref, bon. Petit regret, quoi. Pour la prochaine fois, qu'il pense un petit peu, hein, qu'il pense aux copains. Alex. Bon, je disais simplement que oui, elle était toujours en vie quand elle a été cramée, une certaine chénièse, je crois, et son doux mari Mounir. Le mec de Koh-Lanta ? Non, je me gourre, c'est pas le même ? Ouais, c'est lui, c'est pas son frère. Enfin bon, non, mais par contre, en détention, parce qu'il y a aussi, vous savez, vous ne rappelez pas de cette histoire là ? Il y a peut-être un an et demi. J'ai plus dans, j'ai oublié le nom de la maison d'arrêt. Je crois que c'était en Normandie, entre la Normandie et la Sarthe, je crois. Et donc c'était assez rural. Et il y avait une détenue musulmane radicalisée. Et c'est là qu'on avait appris d'ailleurs qu'ils avaient des appartements, enfin que dans les maisons d'arrêt, il y a des appartements aménagés où pratiquement un homme et sa compagne, enfin un détenu ou une détenue et sa compagne et son compagnon, pardonnez-moi, peuvent vivre presque normalement en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a des schémas comme ça qui permettent de vivre assez régulièrement pendant plusieurs jours dans la semaine, voilà. Et il y avait une de ces détenues radicalisées qui avait rencontré là son cher et tendre, et ils avaient mis au point une attaque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, elle avait échoué. C'était une attaque, je crois, au couteau. Ils avaient essayé d'assassiner un surveillant, ça avait échoué de peu. Tout ça pour vous dire que la diversité va fatalement produire tous ces effets. C'est parce que le projet du cosmopolitisme multiculturel, c'est quand même de faire coexister des musulmans de stricte observance salafiste avec des travelots complètement exubérants. C'est quand même ça le projet final. Hein. Alors si on dans un espace où la promiscuité est aussi favorisée qu'une prison, nous risquons d'avoir vraiment des très gros problèmes. Donc je pense que nous allons, dans les années qui viennent, voir des choses se produire assez intéressante, hein. Voilà. Ouais, je pense que tu parles de problèmes, Gandalf, du coup, des bougnoules et des travaux en prison, moi j'ai pas de problème, hein, je vois des solutions. Oui, c'est pas faux. Hein. Enfin, des bougnoules et des travaux, ça a l'habitude de se côtoyer au bois de Boulogne, hein, apparemment. C'est... Donc, c'est bon. Ils se retrouvent, alors que ce soit en prison ou dehors, c'est pareil. Hein. C'est comme je dis, les appartements à bougnoules, donc là en prison. Bon, c'est rien de plus que de l'argent public pour loger des cafres, que ce soit dans des HL ou dans des prisons. Alors là, en plus, dans les prisons, ça doit coûter encore plus cher. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais le coût, enfin, la construction d'une cellule, c'est 200 000 balles. Donc c'est pour ça qu'on préfère construire des HL que des tôles, et qu'il n'y a pas de construction de nouvelles places. Parce que ça coûterait un pognon de dingue avec tous les bougnoules qu'on doit foutre dedans. Enfin, rendez-vous compte, c'est... l'État ne peut pas se le permettre. 200 000 euros, c'est construction, et puis enfin, tout le suivi, le personnel, enfin qu'est-ce que... Ah non, 200 000 euros, c'est juste la construction et puis la gestion. C'est-à-dire, au niveau de la sécurité, etc., c'est 200 000 balles. Après, ça va coûter encore chaque année. Mais le coût déjà de la construction du local avec les normes de sécurité, blablabla, blablabla, 200 000 balles. Donc, il y en a un paquet à faire. Bon, c'est pour ça que l'État français préfère les laisser en liberté. Ils égorgent un petit peu de trois types de temps en temps. Bon, voilà, on dit là, laïcité, on va faire les trucs, on fait une commission, on fait un Grenelle, un Beauvau de ci, de là. On se réunit, on touche les jetons de présence. Et, ah ben voilà, on va faire caresser les cochons d'Inde par les détenus radicalisés. Et puis voilà, ça suffit. On a gagné des sous et puis tout le monde est content. Oui, moi c'est ce que j'ai souvent dit dans l'émission, hein, c'est que on pourrait parler entre guillemets de véritable politique pénale. Enfin, que tout changement significatif dans la politique pénale n'a rien à voir, en fait, avec le vote de nouvelles lois, c'est une question de BTP. Hein. C'est juste qu'il faudrait construire énormément de prisons, mais, évidemment, c'est en quelque part déplacer le problème et dans la mauvaise direction, puisque ces populations-là, en fait, devraient toutes être renvoyées d'où elles viennent, hein, pour commencer. Oui. Et... oui, parce que construire des prisons comme ça, c'est nous mettre en esclavage. Hein. C'est payer des milliards et des milliards. C'est-à-dire, vous allez travailler pour payer, pour nourrir les nègres et les bougnoules en prison. Non, ça va pas. Moi, je signe pas, je veux pas. Hein. Je veux pas de nouvelles places de prison. Hein. Je veux soit qu'ils disparaissent, soit du territoire, soit qu'ils disparaissent tout court, peu importe. Mais il faut pas que ça me coûte du fric, hein, cette histoire. Hein. Pas question que je mette une rente. Non, mais y a assez d'impôts comme ça dans ce pays sans qu'on ait à devoir payer pour nourrir des millions de nègres, des millions de nègres, de bougnoules, qu'on foutrait en prison parce que trafic de drogue. Là, je vois un petit peu la droite française en ce moment là, dans les médias qui veut construire des trucs, qui veut. Voilà, on va faire ci, on va. Imagine-toi, si toutes les peines de prison, déjà, c'est léger hein, ce qui est donné, et si déjà toutes ces peines légères étaient faites jusqu'au bout, il faudrait construire des places à n'en plus finir. Et si on doit durcir la chose, au niveau pognon, c'est encore pire. Hein. Enfin, sur ton salaire, sur ce qu'on va te prélever chaque mois, c'est délirant. C'est délirant. Donc, c'est pas possible. Qui se barre ou qui disparaisse. Plus que 6 barres, au contraire, ça ferait les économies. Ça ferait 200 000 balles par bonhomme en moins. Et en plus, il y a des moyens, je veux dire, même légaux maintenant, sans forcément de révolution nationale-socialiste à laquelle j'aspire, ne serait-ce que de virer les binationaux, donc on va dire les Algériens, ça ira plus vite. Légalement parlant, c'est possible de faire ça. Mais bien sûr, il n'y a pas de volonté politique. Non, il n'y a aucune volonté. Mais je veux dire, comment dire ? Oui, enfin bon, Derek a résumé grosso modo la situation. Bon, déjà, on a un État, la France n'a plus de frontières. Donc les gens arrivent, ils viennent en fait, voilà, ils arrivent, ils ne sont pas expulsés, on le sait, on a les chiffres hein, des expulsions, c'est dérisoire. C'est même pas 10% d'expulsion, c'est vraiment dérisoire. Et encore, j'ai expliqué ça plusieurs fois, le ministère de l'Intérieur trafique en fait les chiffres réels des expulsions en comptant chaque passage à la frontière franco-italienne. Alors, comme ça, peut avoir un type qui peut être expulsé 2-3 fois et ça compte pour une expulsion. Mayotte aussi joue un grand rôle là-dedans. Les Tziganes qui viennent d'Europe centrale, d'Europe orientale, qui vont et qui viennent et qu'on fait semblant d'expulser avec des dispositifs, qui repartent 6 mois, qui reviennent. Bon, voilà. Mais en réalité, le nombre d'immigrés clandestins d'origine africaine véritablement expulsés est extrêmement rare. Et vous voyez d'ailleurs, c'est tellement rare, quoi. C'est tellement rare que quand une préfecture a finalement décidé d'en expulser un, phénomène exceptionnel, vous avez une mobilisation de l'extrême gauche. Donc, typiquement, des assistantes sociales, des vieilles profs en retraite, des militants socialistes ou communistes. Voilà, bon, vous avez tout ce petit milieu là qui gravite dans chaque département, qui se mobilise, ils arrivent à rassembler comme ça 200, 300 crasseux au pied d'une sous-préfecture ou au pied d'une préfecture. Ça gueule. Évidemment, la presse régionale, qui est intégralement tenue par des marxistes, relaie. Voilà, bon, le préfet, enfin, les préfets qui généralement sont des gens qui sont pas très courageux, hein, font carrière, veulent pas faire de vagues, ni dans un sens, ni dans un autre. Donc là, les mecs, ils disent ah oui, autant pour moi, j'avais pas mesuré que c'était un futur talent. Alors de la plomberie, de la boulangerie, enfin bon, là on est. J'ai même vu qu'il y avait un poète là récemment. Un poète de Guinée, je crois, un futur génie de la poésie. Un futur génie de la poésie dans la région de Nantes. Et on nous disait, voilà, c'est le futur Rimbaud. Alors, il était pris en charge par toute une clique de boomers qui avait c'est une association des écrivains, je sais pas, enfin, encore un truc de communiste. Voilà, alors c'était dit, voilà, et dans la presse, alors Ouest France, truc, c'est le génie de la poésie, etc. Voilà, bon, bah, c'est décrété, quoi. Voilà, il a été proclamé génie de la poésie. Bon, bah, la préfecture a dit ah, d'accord, autant pour nous, on s'est planté. Donc, ça, c'est d'une. Aucune espèce de volonté d'expulsion. Alors, face à ça, bon, ces gens-là, ces populations-là sont quand même des populations à problème. Hein, trafic de drogue endémique, règlement de compte entre eux, hein, entre bandes, rixes. Fanatisme islamique, mais qui n'est pas d'ailleurs la marque la première marque hein, de leur déprédation. Hein. Je veux dire, il y en a qui sont des extrémistes, effectivement, mais enfin, le gros est simplement de la racaille du tiers-monde qui vient là pour manger gratuitement et pour essayer de toucher le cul de quelques blanches. Voilà. Bon, ils pullulent, ils sont toujours plus nombreux. Alors, faire semblant de policer ces populations-là, ça ne marche pas. Le système pénitentiaire français a été conçu, grosso modo, au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, pour s'occuper de populations de culture européenne. C'est pas du tout fait pour gérer ce type de population. Donc c'est complètement inadapté. Complètement inadapté. Donc je suis totalement d'accord avec ce que dit Derek en disant, bon, voilà, c'est le tonneau des Danaïdes, exactement comme l'aide au développement en Afrique, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est la même chose. Faire semblant d'administrer ces populations, ça ne fait que coûter du fric. Alors, il y a peut-être une solution intermédiaire entre ne rien faire et la remigration complète. C'est une remigration partielle vers la Guyane, où je crois qu'avec des matériaux peu coûteux, en plein air, nous pouvons mettre en place des centres, comment dirais-je, de transit vers l'Afrique, hein, en passant par l'Amérique du Sud. Tout en peut-être mettant ces populations au travail. Alors là, comme il y a de la place, on pourrait construire à grande échelle, avec du contreplaqué, de la tôle, des espaces pour les renvoyer vers leur pays et oui, alors, en priorité les. Pas sans dire que pour aller en Guyane, il faudrait qu'ils rament. Hein. Bah oui. Ah, je suis ouvert à toutes les propositions. C'est pour la cohésion. On ne va pas gaspiller du pétrole, réchauffer la planète pour les déplacer. Enfin, ça serait quand même indécent. Hein. Moi, je suis de sensibilité écologiste, hein, comme vous le savez. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un projet faisable, en plus. C'est le territoire national, on ne pourrait pas nous reprocher. On n'expulse pas, ça reste en France. La Guyane, c'est sympa, il fait beau, il fait chaud. De quoi ils se plaignent? Ça serait me présenter comme des vacances. C'est plus français, par exemple, je pense... Que la Bourgogne déjà. Bah oui. Non, puis on pourrait faire des expériences, tu les fous dans les fusées Ariane, tu les balances comme ça. Je dis pas venir les rechercher, juste tu les balances, tu fais des expériences. Non, on mais très sérieusement. Le premier singe dans l'espace. Très sérieusement, on pourrait quand même, créer des espaces particuliers en Guyane pour ces populations-là. En vue de la déjà, le biotope est plus adapté. Hein, plus adapté, ouais. Puis le climat. Hein. Voilà, le climat, bon. Bien, il y a des arbres qu'ils connaissent, quoi. Je pense qu'ils vont, naturellement, ils vont se mettre à monter dessus. Hein. Bon, ça... Alors, messieurs, rubrique numéro 2, c'était chez Cyril Hanouna. Alors, rubrique numéro 2, c'est véganisme radical, une secte nouvelle en expansion dont on parle finalement assez peu. Hein. Donc là, on a parlé un peu des transgenres, on a fait un petit crochet par les belles populations qui peuplent les prisons françaises, mais maintenant nous allons parler de véganisme. C'était Solveig Halloin qui a vraiment fait parler d'elle après sa performance chez Cyril Hanouna lors de son passage dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Alors, on va écouter un tout petit peu Solveig Halloin, qui a des théories nouvelles, qui ont choqué d'ailleurs Monsieur Benjamin Castaldi. Alors, on écoute et on se retrouve. Faut-il interdire un génocide industriel? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps? Bah non, pas poser la question, c'est aussi être complice. Donc on pose la question déjà ce soir, on a déjà au moins franchement, on pose la question. Faut-il moderniser Treblinka? Non mais on pose une question. Vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Vous vous rendez compte ce que c'est un génocide? Vous vous rendez compte des gens qui ont vraiment vécu ça dans leur histoire, dans leur passé, ce qu'ils pensent quand vous dites ça? La préméditation d'un meurtre de masse et son exécution, puisqu'en fait les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité. Eh bien, ça s'appelle un génocide puisque ce sont des gens donc ils sont génocidés. Je suis évidemment contre tout ce qui fait souffrir un animal, mais commencer comme ça en comparant avec Treblinka, avec un génocide, avec non, franchement, là, vous tirez dans le pied. Vous êtes vous terminez le débat. Parce que moi, j'entends ça, je vous dis de fond du cœur, avec ce que je sais, ce que j'ai vécu, j'ai envie de quitter le plateau. Parce que les truies, elles n'ont aucun souci. Ce qui est génial avec Treblinka, les animaux, ça me fait. Un éternel Treblinka, c'est un livre de survivance. J'ai envie de mourir, j'ai envie de vomir quand j'entends ça. C'est une honte de dire ça. C'est vrai que ça, c'est une honte. Alors, les végans, on en entend parler de temps en temps, végans, végétariens, et les gens ne font pas nécessairement la distinction, parce qu'après tout, on peut être végétarien. On peut être quelqu'un qui n'aime pas la viande pour plein de raisons, hein, c'est pas la question. Mais le véganisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est une démarche à caractère philosophique. C'est un militantisme aussi, et un prosélytisme. Donc c'est quand même beaucoup plus que le seul végétarisme. Et Solveig Halloin, qui est une, je précise parce que peut-être que les gens ne la connaissent pas, mais c'est une ancienne fimène, d'accord, c'est une ex-fimène, vous savez, c'est soi-disant féministe, très proche de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Fourest, qui se mettait le buste à l'air lors d'actions provocatrices. On se rappelle notamment d'une action de ce genre à Notre-Dame de Paris, où il y avait des... Et en plus, c'est très exubérant, enfin, elles hurlent, elles ont des slogans... Enfin, des slogans très agressifs, insultants, qu'elles se peignent sur les seins ou sur le corps, et ensuite elles déambulent un peu partout. Bon, c'est vraiment... Quand elles en ont. Et donc, voilà, donc elle vient de ça à l'origine. Bon, visiblement, le mouvement s'est un peu essoufflé. Solveig Halloin, qui est par ailleurs actrice de formation, s'est dit qu'elle avait besoin d'un nouveau public, qu'elle avait besoin peut-être d'un second souffle dans sa profession, et elle s'est reconvertie dans le véganisme, tout aussi exubérant, ce qui a donné le passage donc chez Cyril Hanouna. Alors elle était très véhémente, hein, comme vous l'avez entendu. Alors maintenant je vais récolter vos réactions à ce passage. Ça a vraiment beaucoup fait parler. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce passage? Est-ce que vous le trouvez représentatif de cette mouvance? Est-ce que vous avez peut-être aussi d'autres associations en tête qui font un peu ce genre de truc? Qu'est-ce que vous voulez me dire de ça? Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mais où se trouve son responsable légal? C'est quand même un problème, quoi. Quand le mari ou le père n'est pas là, ça fait des trucs bizarres. Hein. Porovitch, toi, je sais que tu adores les végans. Est-ce que tu pourrais me dire ta réaction par rapport à ça? Ah bah, moi, je suis abasourdi. Enfin, c'est végan plus féministe, si tu veux. Donc, je ne peux que être conquis. mais un petit peu choqué quand même par cette violation de copyright là quand elle compare qu'elle compare l'abattage des animaux à Treblinka, là, je dois dire, non, c'est pas bien quand même. Attention, faut pas tout mélanger. Alors oui, alors cette sortie fait suite au fait qu'une vidéo filmée clandestinement dans un abattoir en Bretagne montre des porcs subir des mauvais traitements avant d'être abattus. C'est-à-dire qu'il y aurait des manquements aux règles qui doivent normalement encadrer l'abattage des animaux. Et donc c'est vrai que ça a buzzé sur les réseaux sociaux cette vidéo, et c'est pour ça qu'elle était invitée, c'était dans ce cadre là et donc ça fait écho à ce que tu dis, hein, parce que dans son passage, comme tu l'as mentionné, elle fait la comparaison, mais elle n'est pas la seule, hein, dans cette mouvance là les plus radicaux font cette comparaison, hein, entre le les végans considèrent les animaux comme des individus, sont des personnes, ouais. Ça, c'est bon, c'est particulier, quoi. Hein. Mais donc, on est à l'intersection de deux choses. On est. J'allais dire, bon, Borovitch parlait de violation de copyright. C'est ce qui a fait bondir Castaldi, Benjamin Castaldi, qui dans l'émission était juste à côté d'elle. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Benjamin Castaldi est le petit-fils de Simone Signoret, de son vrai nom Kaminker. D'accord. Donc, sa grand-mère maternelle, Benjamin Castaldi, est juive. Hein. Donc, Benjamin Castaldi est juif. Je ne sais pas si les gens le savaient, mais voilà. Donc, il a bloqué. Bon, elle ne s'est pas démontée. Hein. Elle a dit, je vais quitter le plateau. Bon, elle a dit, ouais, bah, casse-toi. Et là, vous voyez qu'il y a... petit aparté quand même. Vous voyez que, finalement, dans les radicalités actuelles, les radicalités sociétales actuelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont pertinentes, mais ça veut dire qu'elles sont quand même assez, assez fortes, et en tout cas qu'elles ont une certaine résonance. C'est que vous pouvez vous permettre des sorties, même face aux juifs, qui ne seraient pas tolérées venant de d'autres personnes. Donc elle est féministe, militante, en tout cas revendiquée, végan, radicale, et le juif lui dit « Non, mais vous ne pouvez pas comparer ça à l'Holocauste, etc. Si ça continue, donc en gros, moi, juif, si ça continue, si vous continuez à insulter la mémoire des 6 millions, je m'en vais. » Elle peut lui balancer « Casse-toi, j'en ai rien à foutre » et ne pas être tricarde. Alors que n'importe quel bonhomme qui dirait, je sais pas, hein, de la droite, enfin du centre-droit ou de la droite conservatrice, qui dirait « Bon, l'Holocauste, là, ça commence à faire un peu beaucoup, là, je veux dire, on en parle un petit peu de trop et tout », il y aurait un juif qui s'offusquerait « Comment ça, vous déménagez ?» Le mec est fini, politiquement. Il n'existerait plus. Donc on voit qu'il y a des libertés qui sont possibles. Il y a un autre point qui m'intéresse, c'est évidemment le caractère central de la religion de l'Holocauste. C'est vraiment le maître étalon. C'est, si tu veux faire passer un message en démocratie, hein, dans le théâtre démocratique actuel, bon, il faut partir de l'Holocauste. C'est-à-dire que c'est l'alpha de toute question. Et là, ils vont encore plus loin, c'est-à-dire que c'est des théoriciens, enfin c'est des gens qui valident, hein, la version officielle de l'Holocauste, hein, qui la maximalise. C'est-à-dire ils disent voilà, en gros, Auschwitz c'est de la petite bière à côté de l'Holocauste énorme, de laquelle l'abattage industriel des animaux. Voilà. Bon, mais on est aux intersections. Bon, c'était pas inintéressant de le constater. Hein, donc féministe, tenant de la religion de l'Holocauste, végan, et c'est beaucoup plus représentatif qu'on ne pense. Hein. Oui, il y en a beaucoup de ces gens qui sont complètement hallucinés, qui ont une empathie maladive envers tout et n'importe quoi. Enfin, oui. Qu'effectivement, il y ait les mauvais traitements, les vidéos, etc., ça se fait... Ça s'entend et ça peut être réglé, mais après, c'est une un animal, c'est une personne. Bon, hein, c'est un aigle, c'est un français, tu vois, c'est cette logique-là. Hein, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu tiens que les nègres sont aussi des personnes, quelque part. Ah oui, c'est vrai que ça c'est vrai que c'est la suite logique, effectivement. C'est parfaitement exact. C'est pour ça que je les appelle les maximalistes. Ils poussent la logique féminine de l'empathie envers le monde entier et ses environs. effectivement à son paroxysme. Ah, totalement, totalement. De toute façon, l'antispécisme n'est qu'un décalque de l'antiracisme. Hein, donc. Voilà, oui, c'est ça, totalement. Ouais, ouais, c'est l'antispécisme. Hein. Tu peux expliquer encore brièvement, bon, je pense que la plupart de nos auditeurs savent ce que c'est, mais est-ce que tu peux comme ça dire vite fait ce que c'est l'antispécisme ? Oh, bah, on l'a déjà dit, hein, c'est le fait de considérer que les animaux sont des individus, des personnes à part entière, au même titre que les êtres humains, et à partir de là, dénoncer comme discrimination, comme une sorte de racisme, pas toute forme de pensée, j'ai envie de dire, saine et naturelle. Et exemple pratique, Aymeric Caron, le chroniqueur de Ruquier dans l'émission, enfin l'ancien chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché, donc qui est un antispéciste, lui il était très ému, il chialait parce qu'en fait les gens tuaient les moustiques quand ils se faisaient piquer. Vous vous rendez compte, maman moustique, oui, oui. Elle doit nourrir ses petits, elle doit prendre votre sang, quelque part vous tuez un être vivant et un nouvel holocauste. Il décolle pas. Hein. Je dois souligner que le fils Klarsfeld, Arnaud Klarsfeld, met très mal à l'aise la communauté juive parce que vous savez qu'il est sur la même ligne. C'est-à-dire qu'il a, il a déjà fait dans le passé une comparaison entre l'extermination des juifs et l'abattage des animaux. Il l'a fait. Et ça, ah oui. Et, oui, il l'a fait. Et à chaque fois qu'il le fait, il le fait pas très souvent. Parce qu'il sait que ça pose problème hein, dans la communauté. Il sait que ça génère beaucoup de stress et qu'en ce moment, il y a déjà beaucoup d'autres raisons d'être stressé dans la communauté, comme vous le savez. pas de raison d'en faire de trop. Donc Arnaud Klarsfeld se tient un peu en retrait, mais parfois, sur Twitter notamment, il a des déclarations qui sont de cette nature, quoi. Et alors, il y a toujours des... Alors, évidemment, comme c'est le fils Klarsfeld, bon, le CRIF, la LICRA n'osent pas taper trop fort, parce que bon... Mais ils sont toujours... À chaque fois, ils sont effondrés. Voilà, donc, bon. Mais je disais hors émission, c'était quand même dommage. Enfin, moi, ça me faisait mal au cœur, tous ces pauvres porcs, là. Égorgés, maltraités et qui sont comparés à des juifs. Ça me fait mal au cœur. Je trouve que le porc est un animal bien plus valeureux que le juif. Et peut-être que Klarsfeld a conscience de ça. Et lui, en tant que cafard humain, peut-être a-t-il peur d'être exterminé. Je ne sais pas. Je pense que Klarsfeld se rappelle peut-être son enfance ou en tout cas l'enfance de son peuple. Hein, puisque, comme vous le savez, les juifs sont nourris au pied de l'allée. Comme c'est très justement indiqué, au fronton des cathédrales de l'Est de la France et d'Allemagne. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être un sentiment qui leur rappelle l'enfance. La fameuse Judensau. Oui, la truie des Juifs, la Judensau. Oh là là, bref. Enfin, c'était très exubérant. Mais alors, je pense qu'il y avait aussi une part de manipulation de la part des Juifs, parce que quand Hanouna invite ce genre de taré, de cinglé, alors je sais pas jusqu'à quel point, parce qu'elle est actrice. Bah, c'est une dialectique, c'est-à-dire qu'ils font, oui, effectivement, ils forment des oppositions, et puis à la fin. Oui, ils font la synthèse, c'est-à-dire qu'ils. Ils, voilà. Oui, c'est ça. Hein. Bon, c'est visible que, de la part d'Hanouna et de son équipe, juive, hein, bien évidemment. L'idée était la suivante, c'est qu'ils savent que, parce que c'est un vrai problème, on a parlé de questions de monopole, en fait le monopole juif, parce que l'autorité provient de l'Holocauste, on en a parlé avec Vincent Renoir, donc nos auditeurs pourront se reporter à cette émission, la première qu'on avait fait avec lui sur le sujet. Bon, mais c'est la clé de voûte en fait de l'autorité morale du système, hein, l'Holocauste. Et les Juifs en ont formidablement bénéficié en tant que groupe organisé politiquement. Et par voie de mimétisme, parce qu'il y a d'autres groupes qui ont bien compris comment ça fonctionne, par voie de mimétisme, il y a eu toute une série d'initiatives qui étaient en fait des sortes de copier-coller. C'est ce qu'on a reproché à Dieudonné d'ailleurs, si vous vous rappelez. Qu'est-ce qui a valu... pourquoi Dieudonné en fait a mal tourné, entre guillemets? c'est parce qu'il voulait faire un film sur l'esclavage. C'était ça qui l'intéressait à l'origine, il y a environ une vingtaine d'années. Et il a vu, au niveau du CNC, au niveau des financements de films, etc., il a vu qu'il y avait un blocage, et que c'était un blocage qui était très politique. Hein, il n'était pas question de laisser quelqu'un parler de manière militante de l'esclavage dans un film grand public. L'esclavage des Noirs, j'entends. Hein. Et alors, bon, il a... Ça l'a beaucoup frustré. Et il a fait son fameux sketch sur les colons israéliens, etc. Et c'est, à partir de là, il a été complètement blacklisté, quoi. C'est le cas de le dire. Mais il y avait déjà une, on sentait qu'il y avait une montée de cette forme de mimétisme victimaire. Et les Juifs n'étaient pas du tout d'accord avec ça, bien sûr, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une menace. Ensuite, il y a eu le thème de la colonisation aussi, qui a pris, d'ailleurs en même temps, parallèlement, hein, qui a pris de plus en plus de poids. Vous avez les Algériens qui ont dit, voilà, on a été... Et Erdogan en use souvent, hein, il dit souvent, voilà, les Français ont commis un crime contre l'humanité en Algérie. Voilà, il y a un décalque, quoi. Et puis, il y a encore d'autres choses, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, ils sentent qu'il y a un climat général où vous avez des groupes qui copient-collent le système établi par les Juifs avec la religion de l'Holocauste, où vous êtes la victime absolue, et en tant que victime, vous recevez, vous devez recevoir des dividendes, et en plus de ça, vous avez l'autorité morale pour faire taire les personnes qui refusent de céder à vos demandes. Et c'est très drôle si vous suivez un peu ce qui se passe depuis 2-3 ans maintenant, peut-être un peu plus, mais ça devient plus marqué maintenant, notamment autour du Printemps républicain. Vous connaissez cette organisation à laquelle appartient Valls, mais qui en réalité comporte énormément de Juifs. Il y a Bernard-Henri Lévy, etc. C'est très drôle d'entendre ces gens-là, notamment Caroline Fourest, qui est de l'écurie Bernard-Henri Lévy, hein, et Bernard-Henri Lévy lui-même, qui disent, ils parlent ça de génération offensée, que c'est pas normal de surfer sur une forme de posture victimaire pour revendiquer, etc. C'est quand même ahurissant. C'est quand même ahurissant. Oui. Ils n'ont pas de figure, les Juifs. Ah ouais. Non, mais c'est ahurissant. Je veux génération, dire, c'est pas la génération, c'est le peuple. Offensé, c'est le peuple offensé. Les Juifs, c'est ça. C'est le peuple offensé qui existe. Et bien, les mêmes, ils vous disent aujourd'hui, mais regardez cette génération qui se dit. Et Caroline Fourest, c'est encore plus grotesque. Parce qu'aujourd'hui, on l'entend là sur les ondes. Elle est mobilisée systématiquement. Elle a eu son moment de gloire. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a eu un clash avec Macron. Ça s'est très mal passé. Parce que comme elle est dans le Printemps républicain et que Bernard-Henri Lévy l'a sous son aile, ils essayent d'infiltrer. Ils ont d'ailleurs réussi à infiltrer avec succès cet organisme gouvernemental qu'est la DILCRA, qui ne se contente pas seulement de poursuivre les gens qui tiendraient des propos racistes, de faire un travail de police politique, mais aussi de promouvoir une certaine forme d'hostilité à l'islam, d'accord, sous couvert de laïcité, etc. Il y a un autre organisme dont j'ai oublié le nom, c'est un acronyme, et c'est gouvernemental aussi, qui va encore plus loin, qui lutte, lui, carrément contre la notion même d'islamophobie. Et ils sont très très très virulents ils sont très vigilants et très virulents sur le fait de ne pas voir ils sont très virulents contre toute forme de concurrence. Mais quand tu vois qui est derrière ça avec Fourest, ouais. Fourest a organisé, parce que c'est ça le truc, Fourest a organisé il y a environ 20 ou 25 ans des réunions interdites aux hommes. Militante à caractère féministe, c'est-à-dire les trucs en non-mixité. Et aujourd'hui, Fourest est à la pointe de l'opposition aux réunions en non-mixité. C'est quand même hallucinant, quoi. Et ça se passe maintenant. Et ils ont court-circuité Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, pour faire des états généraux de la laïcité. Donc ils sont passés par les normes facochères Schiappa, pour faire un truc... avec une cocarde, c'est-à-dire sous pavillon officiel, hein, mais le président de la République n'était pas au courant. C'est-à-dire que c'est passé par Schiappa et Caroline Fourest et tout, Karine Forest qui disait, qui a pris la parole, hein, pour dire que quand on parlait d'islamophobie, c'était qu'on voulait tuer des juifs, en gros, c'était à peu près ça, et que parler d'islamophobie, c'était dangereux. J'exagère pas, hein, y a pas d'exagération du tout dans mon propos, en tout cas à ce niveau-là. Et Macron a sèchement dit à Marine Schiappa, en conseil des ministres, que oui, mais c'est bien gentil, Corinne Forest, on sait ce qu'elle raconte depuis 10 ans, elle va nous parler de Tariq Ramadan, bon, on a déjà entendu ça, c'est bon, voilà, faut nous la paix, quoi. Schiappa a pris une initiative, enfin l'initiative. Tu as vu le. Non, elle était tombée sous la coupe des Juifs, tout simplement. Oui, voilà. Elle était embrigadée. On lui a dit, bon, ben voilà, on va faire ça, etc. Oui, tu verras, c'est très bien. Bon, les résultats, ça fait taper sur les doigts. Parce que, effectivement, Macron, de son côté, a des impératifs électoraux. Il y a Erdogan qui chauffe tous les bougnoules comme il le peut. Donc si en plus on met ces trucs, ces états généraux de la laïcité, ça fout le bordel. C'est-à-dire que en même temps, il tient pas. Hein. Macron ne tient que sur l'ambiguïté, hein. Sinon il explose. Alors, c'est bien ce que tu soulignes. Donc quand je disais son moment de gloire, c'était ce moment-là quand elle s'exprime à la tribune, avec justement le pupitre... Avec les trois couleurs françaises. Enfin, tu sais, c'est un aspect, c'est très officiel, c'est un événement officiel. Il y a une secrétaire d'État. Donc là, Caroline Fourest a presque l'impression d'incarner la voix du gouvernement français. C'est ça qui se passe à ce moment-là, quoi. Or, Caroline Fourest est une extrémiste. C'est une lesbienne extrémiste. D'accord ? Et elle est dans l'écurie avec Valls, avec Bernard-Henri Lévy, comme j'ai dit, etc. Mais le problème qu'a Emmanuel Macron, c'est que l'équipe Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Richard Malka, l'avocat juif de Charlie Hebdo, ces gens-là ont créé quand même beaucoup de problèmes. Je vous rappelle que Charlie Hebdo a republié les fameuses caricatures du prophète de l'islam. D'accord ? Moi, je m'en fous, hein, je veux dire. Mais ils ont pris cette initiative en sachant pertinemment que ça va déclencher des troubles de nature terroriste. Ils le savent. Hein. Ils ont republié. Ils ont republié. Ce qu'il y a eu à Nice, c'est... Enfin, il y a eu un... je crois qu'il y en avait eu un à Paris aussi. D'abord, la chronologie des faits, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, il republie, il y a une virulente condamnation à travers tout le monde musulman. Sur ce, un Pakistanais essaye de frapper l'ancien siège de Charlie Hebdo, mais se trompe parce qu'il avait, une adresse qui n'était plus celle de Charlie Hebdo. Et il essaye de poignarder des gens autour de lui. C'était un Pakistanais, j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a eu des graves troubles au Pakistan depuis. Ça fait des mois que ça dure. Ça, c'était en octobre 2020, c'est pas vieux. Les troubles ont commencé au Pakistan, à tel point ils sont devenus tellement violents que le gouvernement pakistanais a été déstabilisé, avec les plus radicaux des musulmans au Pakistan qui cherchaient à vouloir prendre le pouvoir par des troubles de rue. Il y a eu des menaces aussi la semaine dernière, j'en ai parlé, hein, avec des tags de la Ligue musulmane pakistanaise, des tags à ces couleurs qui ont été faits sur une église dans l'Hérault, si je me rappelle. Il y a eu Samuel Paty. À Nice. Nice dans la basilique. Nice. Voilà. Des égorgements. Ça, c'était directement pour Charlie Hebdo. Republication des caricatures. Tout à fait. Donc, Macron, il sait ça. Et là, avec les tensions avec le Pakistan qui sont extrêmement violentes, les Français ne sont pas du tout informés parce que les médias français opèrent une véritable omerta sur le sujet. Mais si vous vous renseignez, vous verrez que ça remue énormément au Pakistan. Il y avait des ministres qui appelaient à tuer ses chiens, etc. C'était extrêmement violent. Ouais. Et Emmanuel Macron, qui par la force des choses est à la tête de la diplomatie française, sait ça. Et il sait aussi que Bernard-Henri Lévy, que Caroline Fourest, que Manuel Valls sont des gens qui cherche à le prendre en otage, en réalité, hein, pour lui imposer leur ligne à eux, qui est une ligne, faut être clair, hein, qui est une ligne anti-islamique. Voilà. Mais pas pour autant une ligne identitaire. parce que c'est eux qui développent la théorie selon laquelle la France serait prise dans une tenaille identitaire entre d'un côté les islamistes et de l'autre côté la droite identitaire blanche. Hein, et, d'où les Rachel Kahn qui sortent, etc. Exactement, pour dire ils l'universalisme. Ils sont accueillis à bras ouverts par la droite française, l'extrême droite française, hein, parce que, attention, hein, il y a le totalisme racialiste, le totalitarisme racialiste, hein, comme... comment on parle ce gros port là de québécois, comment s'appelle-t-il déjà? Bocoté. Bocoté, hein. Donc. Oui, mais qui lui-même a été récupéré par toute cette écurie. Ah oui, oui, il a été récupéré, mais judéo-laïcard, hein. Voilà, hein, c'est. Et il fait la passerelle avec les médias de droite, enfin de droite entre guillemets, hein, les Eugénie Bastier ouais. Et compagnie. Et là, il était en photo dans Paris Match avec Rachel Kahn. Alors, ils disaient, oui, mais voilà. Formidable. Voilà. Rachel Kahn, c'est très drôle parce qu'il y avait un super papier de la revue, pour le coup, hein, je cite mes sources, de la revue communiste Regard, Regard.fr au pluriel, Regard.fr, qui démontait totalement l'imposture Rachel Kahn. C'est d'expliquer comment cette nana-là fricotait avec Assa Traoré, en faisait des tonnes sur... Enfin, jouait sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'un coup, elle jouait la carte juive, un jour la carte noire, à fond dans le misérabilisme racial, elle essayait de faire son trou. Et puis, là, elle s'est découvert, soudainement, une vocation, une vocation de militante juive favorable à la créolisation de la race blanche. Mais c'était pas du tout son discours il y a encore quelques années. La revue communiste Regard, enfin la revue marxiste Regard, tournait le personnage en dérision en montrant à quel point c'est enfin ils n'ont pas utilisé le mot juif mais presque quoi, je veux dire c'était ça quoi. Et ça c'est la LICRA, Rachel Kahn c'est la LICRA. Et on voit bien ce microcosme là. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que toutes les initiatives qui vont faire concurrence à la religion de l'Holocauste et à ses ayants droit, que sont les Juifs, sont considérés maintenant comme des ennemis existentiels et traités comme tels. Et dans les missions d'Hanouna, je pense que l'idée d'Hanouna et des gens qui sont autour de lui, c'était de s'occuper de ce mouvement végan, de ce mouvement animaliste et antispéciste, qui utilise une rhétorique qui, au fond, banalise le mythe de l'Holocauste. C'est ça. Et ils se sont dit, attention, le véganisme, ça paraît cool, ça touche des jeunes, des bobos, des gens urbains. Voilà, il y a un public. C'est de plus en plus à la mode. C'est ton sur ton, en plus, avec le discours sur le réchauffement climatique, etc., la nécessité d'une certaines formes de décroissance, etc., avec le discours anti-viande, bien sûr, et dit attention, si ce genre de militants peuvent exprimer leur vision des choses librement, sans être contrés, on va avoir un problème, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va avoir des gens qui vont nous dire soit que l'Holocauste n'a pas existé, par exemple dans les banlieues, soit que la traite négrière c'était plus grave, soit que la colonisation, soit que les animaux qui se font abattre, ouais, des jeunes hipsters blancs vont dire ça, ouais mais les animaux qui se font abattre c'est beaucoup plus grave que l'Holocauste. Alors là ils sont attention, là, il faut quand même gérer ça. Ils ont pris cette folle qui est une actrice quand même, hein, de formation, en disant au public en gros, ben voilà, oui, bien sûr, il y a des choses qui se passent dans les abattoirs. Quand vous relativisez l'Holocauste, vous êtes cinglé, et voilà, bon, vous n'êtes pas du côté de la raison. Disons que c'est sur le discours animaliste, antispéciste ou végan, ils ont voulu dire oui, bien sûr, il y a des trucs qui se passent dans les abattoirs, c'est vraiment horrible, mais attention, c'est représenté, enfin, dans ce mouvement-là, il y a des illuminés. Voilà, et alors, on va les recadrer. Et ils ont dit, en fait, grosso modo, hein, tous les gens qui regardaient l'émission, c'est-à-dire à Robert, et voilà, ils ont dit à Robert, écoute, tu vois, il y a des extrémistes en face, là, ils veulent t'empêcher de manger ton steak. Et t'as vu, ils comparent le fait de manger ton steak avec le fait d'être un gardien de camp à Auschwitz. Bon, écoute, nous, tu vois, on est quand même plus cool. tu as le droit de manger ton steak. Par contre, Auschwitz, c'est très très mal. Ouais, voilà. Et comme c'est, ça, c'est la synthèse, quoi. Bah voilà, la synthèse. Donc en fait, ils ont présenté une folle en disant voilà, ouais, le discours végan, pourquoi pas, mais là ça va trop loin. Et voilà, ils se retrouvent au milieu, juge de paix, et finalement leur position paraît raisonnable. Peut-être qu'on peut discuter peut-être du sujet en lui-même, je ne sais pas, de ce mouvement pour l'abolition de la consommation de viande. Validé, je veux dire, par l'Union Européenne, là, ils viennent de donner les autorisations. Ah pour... oui, les verts. Ouais. Alors, c'est pas la viande, effectivement, là, c'est pas du végan, mais c'est autre chose, c'est par rapport à, attention, la planète va se réchauffer, les vaches font des proutes. Du coup, au lieu de manger du steak, de la viande, ben, on va faire de la protéine avec des sources de nourriture qui font moins de gaz à effet de serre. Et donc, ça sera les vers à farine. Voilà, ça sera de la protéine de vers à farine. C'est bien, hein, les rations K, quoi. Ça paraît grotesque, mais je suis un peu la presse et c'est validé par Le Monde, Libération, évidemment Combini. L'Union européenne prend des décisions en faveur de ce type de production. Promu par Bill Gates, d'ailleurs, au passage. Ouais, Bill Gates, bien évidemment. Et ce qui me fait beaucoup rire sur Facebook, c'est que les nègres d'Afrique francophone commentent ça de manière très très enthousiaste en disant ah oui bah, c'est extraordinaire mais chez nous on adore là, et puis ils parlent de leur plat etc non mais attention je veux dire là il y a une connexion aussi je veux dire que la tiers-mondisation et l'africanisation de la France au bout d'un moment va se traduire et se traduit déjà par une évolution des coutumes les plus élémentaires y compris dans la bouffe ça, hein. Mais pas que ça mais enfin le nègre est, enfin pas que c'est surtout le nègre était a besoin de se nourrir. Et là, bon, si effectivement il y a une raréfaction de l'énergie, hein, en général, parce qu'on arrête des centrales nucléaires, on fait des voitures électriques, bon, enfin, bref, l'énergie, ça va commencer à être un problème, hein, vu la politique énergétique actuelle. Ça coûtera moins cher de faire bouffer, d'élever du nègre avec du verre à farine. Je sais pas, ils nous disent que les vaches font trop de paix. Oui, c'est par rapport au méthane, mais bon, il y a autre chose. Enfin, tu peux oui, mais est-ce que 4 milliards de nègres à l'horizon 2100, est-ce que ça ne va pas produire beaucoup de méthane aussi? Moi, je me pose la question. Oui, enfin, de l'urée. Enfin, beaucoup de produits. Ouais. Je pose la question. Non, les vaches sont toujours. L'objectif, c'est ça, c'est de nourrir massivement du nègre. Hein, parce que c'est pas pour nous. Nous sommes appelés à disparaître de toute manière. Hein, c'est la nourriture du futur pour l'homme du futur. Oui. Le nègre, donc. Hein. Bah, l'homme, oui. Oui, bon, oui. L'hominidé, dira-t-on. Le quadrumane. Non, mais bon, voilà. Je pense que c'était ça le but de l'exercice chez Hanouna. De revalider hein, le discours sur le low cost en rassurant, c'est la carotte et le bâton, c'est-à-dire voilà, on te laisse ton steak, tu continues à croire en la religion de le low cost et nous on tient à distance les éléments les plus hystériques du mouvement végan. Voilà, tu sais, il y a une espèce comme ça de deal subliminal qui était organisé sur le plateau. Je protège ton assiette du moment que tu crois. Exactement. Et c'est bien formulé. Ouais. Il y avait vraiment la notion de protection, tu vois. Voilà. Tu vois, tu rappelles que tu reconnais mon autorité et en échange, tu auras le droit à toute une série de. Vraiment le rapport le rapport au suzerain, quoi. Oui, c'est du ça. Du vassal au suzerain, hein, c'était ça. Moi, j'ai perçu comme ça cette mise en scène. Voilà. C'est le roi qui jette un bout de viande à son bouffon, tu vois, et qui va le chercher par terre pour le rogner. C'est ça. Ouais. Alors je pense que c'était ça le calcul des juifs sur ce coup-là chez Hanouna. Mais ceci dit, le mouvement animaliste et le mouvement végan devient de plus en plus radical. Ils attaquent des boucheries. En Suisse, j'ai vu ça il y a quelques mois. peut-être un an, quoi. Enfin, c'est pas très vieux. Il y avait un mouvement, enfin, ouais, un des principaux mouvements végans suisses qui avait été interrogé sur leur refus de prendre à partie les boucheries musulmanes halal. Voilà. Pourquoi vous n'attaquez jamais, n'attaquez hein, symboliquement avec des actions, de boucheries musulmanes halal? Alors ils avaient eu recours à toute une rhétorique tiers-mondiste et marxiste en expliquant que les populations musulmanes étaient déjà victimes d'oppression, de racisme, de discrimination, et qu'il était hors de question de charger davantage des populations déjà en difficulté. Et donc, Attends, Gandalf, vu qu'un porc, c'est égal à un homme, apparemment, je ne vois pas pourquoi on ferait passer le bien-être de l'homme avant celui du porc. D'autant plus que les abattages halal et cachères ont la particularité de ne pas pratiquer l'étourdissement avant l'égorgement, donc c'est encore plus cruel. Donc non, je ne suis pas d'accord. Bah, je te rejoins, mais le mouvement suisse en question était très clair là-dessus. Et grosso modo, hein, il ne vise jamais les boucheries halal. Bon, on sait pourquoi. C'est-à-dire que les musulmans aussi ne font pas vraiment la différence entre les porcs et les guerres. Donc un coup de couteau à un porc ou un coup de couteau un guer, c'est grosso modo en islam, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a aussi le facteur sécuritaire qui rentre en compte. Ils ont quand même analysé le truc, ils se sont dit bon. Oui, faut pas se cacher, faut pas se voler la face aussi. Ce truc-là, c'est avant tout des nanas qui veulent faire chier les mecs. Quoi. Oui, oui, totalement. Oui, ça c'est intéressant, ça. C'est des nanas qui veulent faire chier l'homme blanc. Donc. Des nanas qui veulent le plus de chibre possible pour s'asseoir dessus, donc du musulman, du nègre, etc. Donc on va pas les faire chier. Par contre, on va te faire chier le mec, quoi, le mec blanc qui bouffe sa viande, etc. Parce que j'ai décidé d'avoir de l'empathie pour le monde entier, parce que pour montrer que je suis une bonne personne. Donc c'est toute la comment dire. La posture délirante des femmes contemporaines. Ouais, la femme libérée, n'est-ce pas hein, la femme libérée. Oui, la femme. Oui. Alors, messieurs, je propose de passer à la rubrique numéro 3. On va aller envers l'Afrique. On a parlé un peu de ça. On a parlé de la démographie africaine. Hein, 2100, plus de 4 milliards d'Africains. Théoriquement, hein, en tout cas, c'est les prévisions pour le continent africain. Et puis, nous sommes présents au Mali militairement par la force des choses. Donc, la situation sur place nous intéresse. Et puis, nous avons aussi des ressortissants maliens qui sont maintenant. Qui sont français. Et puis, surtout, qui sont très actifs sur la scène politique française, comme Assa Traoré notamment. Je veux dire, voilà, ils sont. Voilà. Donc, il y a un lien privilégié entre la France et le Mali. Donc, ça nous regarde quand même un petit peu. Alors, voici ce qu'on découvre. C'est vraiment miraculeux. Alors, cher cardinal, je pense que vous avez... Eh oui. Bah, écoute, là, c'est Hosanna. Hein. C'est... Ils sont nés. Alors, voilà. Alors, c'est un article de la BBC, parce que ça a fait le tour du monde, cette histoire. Il y a raison. Les 5 filles et les 4 garçons sont nés par césarienne et se portent bien, déclare le ministre malien de la Santé. Il est extrêmement rare de donner naissance à une série de non-nuplés et les complications pendant et après la naissance signifient souvent que certains des bébés ne survivent pas. Le porte-parole du ministère marocain de la Santé, Rachid Koudari, affirme qu'il n'a pas connaissance de la naissance d'une série de non-nuplés dans d'un des hôpitaux du pays auparavant, rapporte l'agence de presse AFP. Oui, alors donc c'est une malienne qui était enceinte de 9 enfants qui a été prise en charge par le Maroc pour mettre bas, n'est-ce pas? Alors, Fanta Sibi, ministre de la Santé du Mali, félicite les équipes médicales des deux pays pour cette heureuse issue. La grossesse de Madame Cissé est devenue un sujet de fascination au Mali, nous dit-on, même lorsqu'on a pensé qu'elle ne portait que des septuplés, rapporte l'agence de presse Reuters. Les médecins de ce pays d'Afrique de l'Ouest se sont inquiétés de son bien-être et des chances de survie des bébés, si bien que le gouvernement est intervenu. Après un séjour de 2 semaines dans un hôpital de la capitale malienne Bamako, la décision a été prise de transférer Madame Cissé au Maroc le 30 mars, révèle le docteur Sibi, a Après 5 semaines passées à la clinique marocaine, elle a accouché mardi, précise la ministre. La mère et ses bébés devraient rentrer chez eux dans plusieurs semaines. Alors il faut savoir qu'ils ont mis en place un pont aérien pour envoyer Madame Cissé au Maroc et qu'elle reviendra de la même façon au Mali. Alors, cher cardinal, miracle, quel est le sens de ce message que nous envoie les Terres Maigres? Tu as remarqué que elle était au Mali, hein, donc cette sainte femme, hein, qui la Béni, déesse de Béni, la prospérité, hein. Cette oui. Vénus moderne. Vénus autantote, oui. Exactement. Donc elle était au Mali, elle s'est rapprochée déjà, hein, elle est arrivée au Maroc. La prochaine étape, vous savez laquelle, vous savez laquelle est-ce. Hein, ça sera bien entendu la France. Là, nous avons 10 Français. Hein, donc la mère, les 10 enfants, peut-être y en a-t-il déjà d'autres. Et sûrement y a-t-il un ou plusieurs pères d'autres enfants. Ah, par contre, les pères, on ne les verra pas. Hein. Ils ont déjà foutu le camp depuis longtemps. Oui, ils ont probablement foutu le camp, effectivement. C'est possible. Peut-être sont-ils engagés dans la lutte de libération islamique du pays, je ne sais pas. pour aller calibrer des soldats français. Enfin, c'est bon, peut-être qu'ils sont soldats français, libération sont nationale, hein. On ne sait pas. Oui, voilà. Donc, moi, j'attends avec impatience ces futurs Français. Marine Le Pen les attend aussi, je pense. Peut-on seulement utiliser l'expression « futur français » ? Ne sont-ils pas, de par leur naissance, déjà français, je veux dire, franchement. De par leur naissance miraculeuse. Quasiment impossible, et effectivement, impossible n'étant pas français, oui, ils sont français. Puis, en tout cas, ils ont vocation à l'être, ça c'est certain. Madame Cissé, très certainement, est une femme humaine, et elle est francophone. Ah bah c'est bon, pas douter. Donc effectivement, oui, je pense que bah, moi j'ai quand même une proposition par rapport à tout ça. Ça serait que alors effectivement les mineurs ne peuvent pas voter, hein, mais il faudrait que le droit de vote soit proportionnel au nombre d'enfants mineurs pour que nous ayons enfin une démocratie plus représentative. Et effectivement. Ça concernerait aussi tous nos Français qui ne vivent pas en France, hein, qui sont au Mali, en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, au Niger aussi, peut-être au Tchad, alors les Tchadiens ne viennent pas en France, bizarrement. Mais oui, il y a de l'idée avec ça. Soudan. 10 petits Français, un vote, quand Madame Cissé irait voter, elle voterait pour 10. Ah, donc, ouais. Oui, je vois. Ouais, je suis d'accord. Hein. Écoute, moi, j'ai vu une prise d'otage au Mali. Olivier, je ne sais plus comment. Dubois, oh là, c'est oui, ça oh, ce français. Ah là, ah, bah, justement. Oh, voilà. Ouais. Ah, au Mali, bah, il est français. Où est le problème? Ah bah oui. Bah, oui. Oui, non, mais les gens ne sont pas au courant. Donc, il y a un journaliste français qui s'appelle comment? Olivier Dubois. Ah bon, bah, il n'y a pas plus français. Voilà. Je m'appelle Olivier Dubois. Je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021. Par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Il demandait à l'État français de mettre tous les moyens en œuvre pour le libérer, mais enfin, le libérer de quoi au juste? Ah oui, il est chez lui, je veux dire. Hein. Ben non, parce que pour nos auditeurs qui n'auraient pas compris, monsieur Olivier Dubois, très très nègre, il est très très nègre, il est vraiment nègre, je veux dire. Ah oui, oui, et il est tellement nègre qu'il s'appelle Olivier Dubois. Voilà, ouais. Probablement adopté par des extrémistes Dubois. Bretons, peut-être. Bah, Dubois. C'est français. On est perdu. Hein. Non, on est perdu. Mais qu'attend le rassemblement? Non, mais attendez, moi j'ai lu les papiers. Hein. Alors, il est noir et journaliste. À Libération. Ah bon, ouais. À Libération. Non, bah alors là, c'est foutu. Bon, c'est le correspondant Afrique, donc enfin le correspondant de la partie, enfin oui, de l'Empire français du Sud pour le journal français Libération, comme tout le monde le sait. J'ai déjà mentionné l'histoire de cette femme brûlée, et puis le type là, qui a buté le flic cette semaine, il s'est barré en trottinette. Ça me fait penser au Bala Omar qui s'est barré en mobylette. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Evan Ben Laden et le Bala Omar, ils se sont barrés en mobylette. C'est un Américain qui était avec des missiles. Enfin... des liens. Oh putain, bordel. Non, mais bon, voilà, on était parti sur le Mali. Bon, on va rester sur le Mali, mais on pourra parler un petit peu de cette histoire d'assassinat de policiers. Alors oui, bon, non, mais le Mali devient un truc grotesque. Certains vont me dire, non, mais même la France devient un truc un peu grotesque. Alors le Mali, quand même, pour faire le point démographique, donc c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de gouvernement au Mali. Je ne crois même pas qu'on puisse appeler ça un gouvernement, sincèrement. C'est un pays qui est au bord de l'éclatement. Et sans l'aide internationale et sans l'intervention française, ce pays aurait déjà éclaté en plusieurs morceaux, en plusieurs blocs ethniques, oui. Puisque y a des blocs arabes, il y a des blocs berbères, les Touaregs qui s'affrontent avec les Noirs du Sud. Bon, tout ça est incompréhensible. Et les nègres du Sud, hein, ont la politesse d'insulter les soldats français qui les empêchent de se faire décaniller hein, par les Touaregs qui n'attendent que ça. Donc c'est putain de nègres manifestent en hurlant voilà France là voilà. Ouais. Et pendant qu'Assa Traoré organise des émeutes raciales en France pendant qu'Assa Traoré exige une rente pour tous les nègres de France, et elle en particulier, enfin, Assa Traoré, c'est une chef de tribu, quoi, hein, qui est là en guerre. Ah oui, non, mais totalement. Puis elle, c'est racial, hein, c'est vraiment racial. Ce pays-là, le Mali, est vraiment la quintessence de la chiasse. Hein, c'est, ouais. Et alors, surtout les nègres maliens. Quoi. Alors, je dis ça parce que, donc, ce pays n'existe que sur une carte. En réalité, il n'y a pas d'État. La France tient à bout de bras ce truc avec des nègres qui remercient les soldats français qui se font assassiner sur place par les djihadistes en leur crachant dessus, en organisant des putschs, en manifestant, etc. Voilà. Et le peu de ressources qu'ils ont, ils le consacrent à créer des ponts aériens pour permettre à une négresse de mettre bas au Maroc pour ramener ensuite non seulement la dite négresse, mais 9 petits négrillons qui, dans une dizaine d'années, seront probablement des disciples, de je ne sais quel imam la mouvance salafo ou wahhabite ou que sais-je. Quoi. C'est... Alors, il y a quand même une petite note d'espoir quand même dans tout ce torrent de mauvaises nouvelles, c'est que bon, Madame Cissé pourrait très bien. Enfin, y a des Cissé, il y a des Traoré, il y a Assa Traoré, mais il y a aussi Kobili Traoré, hein, qui des fois peut perdre l'esprit, faire des choses. Hein. Il y a aussi des Koulibaly au Mali. Des Koulibaly, les Traoré. Ben, écoute, par la bande, toi tu dis par la bande peut-être. Hein, pardon? Tu dis peut-être par la bande, il pourrait se passer des choses. Peut-être par la bande, il pourrait. Bon, à force quand même, il y a des petits sourires que nous fait l'histoire comme ça. Donc peut-être que parmi ces six, il y aura que tout ne sera pas perdu en tout cas. C'est très bien observé. Alors 17 millions aujourd'hui d'habitants au Mali, donc un non-État ravagé par les tensions ethniques, la radicalisation islamique, les ingérences étrangères bien entendu. Donc 17 millions. Alors d'après les projections, presque 50 millions d'habitants d'ici 2050, hein, dans 30 ans. Hein. La population du Mali va être multipliée par 2, 2,5 dans les 30 ans. C'est un pays où rien ne pousse, hein. C'est un désert. Il bon, n'y a rien, c'est le Sahel. Oui, il y a du mil à certains endroits, mais oui, il n'y a que dalle. Quoi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de quoi nourrir tout ce monde. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que la démographie explose si les types sont au Sahel, qu'il n'y a pas de flotte, qu'ils ne peuvent rien cultiver? Et que fait l'armée française à empêcher que ces gens se tuent pour ma foi, pour s'auto-réguler. Non, mais ouais, non, ouais. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que pendant que l'armée française déploie des bons Gaulois dans des bleds à la con pour se faire même pas tuer, même pas la loyale, parce que généralement ils meurent en sautant oui, sur des mines, des trucs comme ça. Ouais. Bon, voilà. Donc pendant que les soldats français, les petits gars d'Auvergne, de Normandie, de Bretagne et ailleurs meurent dans ce pays absurde, vous avez toute la logistique de l'ONU, des structures internationales qui intervient pour alimenter les nègres. Donc c'est un pays, si vous voulez, dont la démographie est hors de contrôle en raison des programmes alimentaires internationaux qui permettent à ces nègres de continuer à baiser comme des cons et à faire 7, 8 ou 9 gosses par famille, alors qu'ils n'ont pas le premier bol de riz sous la main. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc, livrés à eux-mêmes, le problème serait jugulé. Donc, en fait, cet épisode absurde, cet épisode grotesque, mais en scène, en fait, ce qui se déroule. C'est-à-dire que c'est l'intervention occidentale et l'intervention française avec son obsession humanitaire, son obsession, humanitaire, humanitaire, surtout quand il s'agit des nègres. Hein. Oui, non, mais c'est ça, mais voilà, c'est-à-dire parce que nous, on bouffe une propagande en Europe, faut surtout pas faire trop d'enfants, parce qu'attention à la planète. Oui, mais l'humanitaire dans les Balkans, pas trop, mais par contre, l'humanitaire pour les nègres, là, oui. Tout à fait. Ma mère m'a déjà sorti ça, oui, attends, tu te rends pas compte, faudrait faire moins d'enfants, etc. Et elle file du pognon à Action contre la faim. Ah putain, bah ouais, aux nègres, pour qu'ils bouffent et qu'ils fassent plus de gosses, quoi. C'est, voilà. C'est du terrorisme, hein, c'est du terrorisme. Non, mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Je veux dire, ce qui se passe, c'est une véritable bombe. Quand on dit comme ça, voilà, le Mali, en 30 ans, il va passer de 17 millions à 50 millions. Bon, vu de France, on se dit, bah oui, bon, peut-être, ouais, bon, c'est abstrait. On a du mal à se représenter la chose. Bon, mais un pays dont la population est pratiquement multipliée par 3 en 30 ans, bon, c'est une bombe, c'est une bombe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Mali. Vous regardez le Niger, qui est peut-être encore plus pauvre, encore plus désertique, c'est la même chose. Vous regardez le Nigeria, vous regardez tous les pays africains, c'est une bombe nucléaire démographique. Nucléaire. On sait que les bassins de peuplement en Afrique sont déjà totalement saturés. Il n'y a pas de ressources. Ces gens-là sont totalement dépendants des programmes alimentaires, comme je l'ai dit, pour se nourrir. Et on continue la mécanique. Et c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui est une gigantesque tumeur. C'est une gigantesque tumeur à laquelle nous apportons quotidiennement une dose de sucre supplémentaire. Et ensuite, on s'étonne qu'on est le cancer. Si vous voulez. C'est une machine. C'est comme une machine dans laquelle tu mets du combustible à chaque fois. Donc le truc, ça fait chouchou. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Ça avance. Le combustible en question, du coup, c'est le pognon des blancs et les militaires blancs. Et puis à la fin, ça donne à la fin du caca noir. Et oui, le grand remplacement, pour le coup, il est très mécanique là. C'est-à-dire que, au cœur de tout ça, il y a la bête de somme, la bête de somme occidentale, de race blanche, qui par son labeur, effectivement, doit nourrir tout ce monde. Et puis bon, quand on les nourrit pas chez eux, on les nourrit chez nous. Hein, et puis bon. Oui, puis en plus, les nègres ont le sens de la gratitude. Les remercier, bien entendu. Ah, ils ont le sens de la gratitude, hein, ils nous le font savoir. Ouais. Hein. Voilà, ils sont en train de vouloir déboulonner toutes nos statues, etc. Bon, voilà. Donc là, si vous voulez, on est en pleine folie, quoi. On est en pleine folie. Mais c'est de notre faute. Le problème, c'est que c'est de notre faute. C'est pas de la faute des nègres. C'est pas de la faute des nègres. Les nègres sont des nègres. Si vous mettez le nègre à l'aise, que vous lui donnez à manger gratuitement, avec toutes ses femelles autour de lui, le nègre va proliférer. Mais c'est nous qui créons ces conditions-là. C'est pas le nègre. Le nègre, lui, comme on l'a dit, au Mali, il n'y a même pas de quoi manger. C'est, nous qui, c'est nous qui arrivons avec nos livraisons pour le faire manger. Mais, nous altérons le biotope. Enfin, c'est... Non, mais on a créé la situation africaine. C'est-à-dire que c'est nous bien qui sûr, avons créé cette bombe nucléaire démographique. C'est l'homme blanc, avec son altruisme pathologique, et aussi hein, la racine culturelle chrétienne qui est derrière, hein, faut pas rêver, hein, je veux dire, les missions et tout ça, bon, ça a quand même posé les jalons de toute cette approche de l'Afrique, qui est une approche misérabiliste, une approche toute d'empathie, voilà, on a nourri ça, alors maintenant les gauchistes ont pris le relais, et quel relais? Donc voilà, donc on alimente cette bombe, mais nous l'avons créée. Donc c'est très drôle, parce qu'en plus, quand t'écoutes les médias, tu sais, t'as l'impression qu'on exploite l'Afrique, qu'on fait crever de faim les Africains, qu'on est en train de saigner à blanc ces gens, tu vois, qui, sans la présence blanche, ce serait une superpuissance internationale, tu vois, ce serait le moteur de l'économie mondiale. Bon, c'est l'inverse de ce qui se passe. Mais c'est de notre faute. Non seulement par ce qu'on fait en Afrique, mais ensuite par les représentations qu'on véhicule par les médias, essentiellement de gauche, en Occident. Voilà, on passe notre temps à présenter de gauche, les... Voilà, c'est... Donc c'est pas certain, hein, non, oui, de gauche, enfin de gauche à l'origine, mais c'est vrai qu'en France, c'est unanime, parce qu'en fait, on a la même... On se rappelle hein, des images de Marine Le Pen se rendant, je crois... au Tchad justement dans une maternité avec un aigrillon dans les bras en 2017 hein, les Comores aussi hein. Oui, les Comores, mais enfin là c'était vraiment en Afrique noire, c'était au Tchad, bon, elle était là avec dans une maternité, je veux dire t'es un leader d'un parti, je vais pas dire d'extrême droite parce que ça serait inexact, mais on va dire un parti de droite nationale entre guillemets, bon, le mot droite est utilisé ici de manière générique, parce que je ne crois pas aussi que ce soit tout à fait le cas. Mais bon, tu es en 2017, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en Afrique, où ça? Dans une maternité, pour te mettre en scène en train de dorloter du négrillon. Bon, c'était le moment où elle avait promis 9 milliards, je crois. La veille du débat, elle recevra toute une kyrielle d'associations africaines pour leur promettre, je crois, presque 1%. Pas 1%, j'ai oublié le chiffre exact, mais un peu moins d'1% du PIB français en aide au développement, donc encore du pognon gratuit donné aux nègres pour qu'ils prolifèrent. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est la façon dont on regarde l'Afrique et les nègres qui créent tous ces problèmes. C'est nous qui sommes à l'origine de tous ces problèmes. Ce qu'il faut faire tout de suite, là, maintenant, au moment où je parle tout de suite, c'est suspendre absolument toutes les aides pour l'Afrique. Absolument tout. Tout suspendre. Tout suspendre. Absolument tout. Voilà. Ce qui se passerait dans la foulée, c'est une régulation, c'est-à-dire la nature reprendrait ses droits, il y aurait une régulation des populations par la famine, par les maladies, par les guerres interethniques, etc. Et au bout d'un moment, le nègre se régulerait lui-même et il trouverait une certaine forme de stabilité démographique dont il bénéficierait par ailleurs, puisque la pression sur l'accès à l'eau, etc., baisserait d'autant. Voilà. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est aggraver considérablement la situation sur place. Et on ne se rend pas compte. Et ensuite, parce que tous ces nègres qui se multiplient, comme ils sont chassés par l'ethnie d'à côté, le village d'à côté, ils viennent vers où? Alors, oui, ils sont chassés, mais c'est pas là, c'est que, comme ils ont une avant-garde hein, qui est en France, et que je vous rappelle que le regroupement familial est un droit humain fondamental, d'après le Conseil d'État, donc vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, le Conseil d'État dit non, mais c'est un droit humain fondamental, donc si un nègre il a envie d'épouser une négresse, etc., il s'épouse tous entre cousins, peu importe, ils se font venir comme ça. Donc là, c'est autre qu'une pompe aspirante. C'est une catapulte. Hein, c'est la catapulte du recoupement familial. Et donc, ça se fait tout naturellement. Il n'y a pas de Tchadien en France, parce qu'il n'y en a jamais eu. Et le Tchad, c'est à peu près pareil au niveau démographique que le Mali. Mais comme il n'y en a pas en France, ben, il n'y en a pas. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui passent par la mer, mais c'est pas le gros des troupes. Le gros des troupes, ça vient par l'avion. Hein, ça vient par l'avion. Bien sûr, bien sûr. Oui, puis comme je on disait qu'à en la début base, il y a quand même. Je ne comprends pas le principe de foutre des nègres dans un avion pour les amener en Europe. Enfin, ça m'échappe. Hein. Si quelqu'un a compris. Jacques Chirac, manifestement, lui, à l'époque de la grippe aviaire, avait tout fait pour ne pas fermer les liaisons aériennes avec l'Afrique. Hein. Donc, manifestement, il y a des énergies dans ces avions, des trésors dont nous ne pourrions pas nous passer. C'était la même chose avec Ebola, hein, quand il y a eu la crise d'Ebola. La France, grosso modo, la décision des autorités françaises, il est hors de question de fermer les liaisons aériennes avec l'Afrique. Et à la place, ils se sont mis à afficher à l'entrée des hôpitaux toute la liste des symptômes d'Ebola au cas où, tu vois. Donc en fait, les autorités, on en est là en France, hein. C'est-à-dire que l'obsession négrocentrique a pris de telles proportions en France qu'on préfère exposer la population française au pire des maladies, pour le coup, véritablement dangereuses. Hein. Ebola, c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est pas horrible. C'est très difficilement contagieux parce que ça se transmet à très faible distance. Mais par contre, ça se transmet par le toucher, c'est par la peau, c'est pas l'aérosol. Voilà, par contre, c'est une maladie quand même assez terrible. Bon, les autorités françaises ont fait le choix de maintenir leur dogme négrocentrique en refusant de suspendre les liaisons aériennes. Les liaisons aériennes. Et donc, voilà, ils disaient, bah voilà. Donc, on disait aux gens, bon, bah, si jamais par hasard quelqu'un a Ebola autour de chez vous, bah, signalez-le, quoi. Et pendant ce temps-là, tu vois, les liaisons avec. Mais tous les pays contaminés, je veux dire, tous les pays, c'est bon, ça y allait tranquillement. C'est de la folie furieuse. Voilà. Ça, c'était un geste politique qui traduit l'inconscient qui gouverne la France, quoi. Je veux dire, c'est un inconscient vraiment. C'est de la négrophilie pathologique, quoi. Pathologique. C'est des messages diplomatiques adressés au monde. On se rappellera aussi le centenaire de la fin de la guerre de 14-18. Donc à l'Arc de Triomphe à Paris. Avec cette énorme négresse qu'on a fait hurler devant Trump et devant tous les chefs d'État, d'ailleurs, hein, tout un tas de chefs d'État du monde qui étaient venus, une négresse obèse qui est venue hurler. Voilà, donc là, c'était aussi un message diplomatique. Hein, ça, oui, une performance ça. Que nous devions d'ailleurs à M. Benzimet. Benzimet, Joseph Benzimet, effectivement. Oui, qui était le socialiste. Dont le père est chanteur du Yiddish. Hein. Oui, mais au Sénégal. Au Sénégal, oui. Si, non, je raconte pas de conneries. Ouais, le père Zimet est un chanteur Yiddish, mais qui s'est installé au Sénégal et qui apprend la culture Yiddish, hein, la culture juive ashkénaze, au Sénégalois. C'est une belle continuité, quand même, je veux dire. Et c'est aussi Benzimet, hein, qui a fait courir les gamins sur les tombes des Enfin, les gamins, surtout, il y avait des. C'était pas... Je me souviens plus, il me semble que c'était assez coloré, les gamins. Hein. Oui. C'était français. Hein. Et devait suivre dans la foulée un concert de rap, d'ailleurs, à Verdun. Mais ça c'est pas Black fait. M, c'est ça. Voilà, c'est Black M, qui est une espèce de nègre fou d'Afrique de l'Ouest. Hein. Il a une tête de seigneur de la guerre du Libéria. Je vous invite à vous y référer, c'est pas mal. Voilà, il était censé, exciter, parce que bon, c'est, il y a toute une population halogène maintenant à Verdun, donc il était censé, voilà, ça s'est pas fait. C'était un peu trop, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. T'en fais pas. Voilà, c'était pour le centenaire, mais oui, c'est ça. Mais voilà, hein, donc on est quand même là-dessus. Donc voilà, on a une bombe nucléaire démographique face à nous. Je crois que les gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. D'après ce que j'avais vu, sur les 10 à 15 ans qui viennent, l'Afrique va gagner environ 500 millions d'habitants. C'est l'équivalent de la population de l'Union européenne en 15 ans. Tout va très bien se passer. Ça nous fera plus de poètes. Ouais, c'est bien. Non, mais ils arrivent. Hein, sur cette histoire de démographie africaine. Alors, vous prenez n'importe quel pays africain, n'importe lequel, à part l'Afrique du Sud, hein, parce qu'il y a quand même des blancs dedans. Vous dites, bon voilà, dans ce pays X, les Occidentaux n'interviennent pas. Donc là, les nègres du coin vont dire, ouais, regardez, vous nous laissez mourir de faim, c'est la faute des Blancs. Bon, maintenant, vous faites intervenir les Occidentaux, voilà, parce que, je sais pas, pour résoudre des conflits armés, par exemple. Ils vont dire, oh, regardez, vous venez piller nos ressources. Dans tous les cas, ça va être la faute des Blancs, en fait, voilà. Parce que les nègres sont incapables de construire un pays. Et à cause de ça, ils ont une démographie folle de base, il y a déjà un problème de base avec ou sans nous, parce qu'en fait, ces gens font beaucoup d'enfants parce qu'il n'y a pas de système aussi de retraite là-haut. Ça n'existe pas. C'est un concept qui est inexistant. Bah, donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on maigre. Normalement, ils crèvent avant. Hein. Ah, mais aussi de la régulation. Mais c'est quoi leur stratégie individuelle à l'échelle vraiment de, voilà, de l'individu africain? C'est je vais faire des enfants le plus possible. Je ne sais pas, j'en fais 5-6. Peut-être qu'il y en a la moitié qui vont survivre. Parce que quand je serai trop vieux, ce sont eux qui vont prendre soin de moi. C'est des structures tribales, familiales. Et à la fin, vous vous retrouvez une situation avec des nègres partout. Voilà. Et nous, on a adopté le système inverse. On a socialisé, on a créé un système de retraite socialisé sans intégrer le paramètre de la natalité. C'est-à-dire qu'il y a jamais, on n'a jamais conditionné l'accès à la retraite par comment dirais-je, le fait d'avoir des enfants. Moduler en fait l'accès à la retraite sur la base du nombre d'enfants qu'on a eu dans sa vie, ce qui fait qu'on a un système aujourd'hui de retraite qui n'est pas viable avec une dénatalité catastrophique en Europe. C'est qu'on n'a pas de gosses, on a beaucoup de vieux et un système de retraite qui n'est pas finançable. C'est l'exact négatif de l'Afrique. L'exact négatif de l'Afrique. Il faudrait avoir un système de retraite, ça, oui, pour, mais ça tombe bien qui doit pour être... équilibrer les choses. Hein? Ça tombe bien pour équilibrer les choses. On a pris exactement le système inverse, donc en mettant des Maliens. Non, mais c'est pour ça. Non, mais quand il y avait Delevoye qui s'était exprimé quand il avait été, parce qu'ensuite il a dû quitter ses fonctions. Parce il a lâché le secret. Polichinelle. Oui, lui, c'était Delevoye qui avait été mandaté par Macron pour piloter une énième réforme des retraites. Il avait abandonné parce qu'il avait, je crois, 14 revenus différents, parce que c'était un cumulard en Mexique, comme d'autres. Bon, voilà, donc voilà, il a dû dégager. C'était un gaulliste. Et donc, il venait de la droite. Hein, et il avait visité une. Enfin, il était en déplacement dans la banlieue parisienne. Dans l'île de France, je ne sais plus où, et il y avait une population extrêmement bigarrée hein, en face de lui, et il avait dit ça très franchement, mais c'est rare qu'un homme politique, surtout en charge d'un dossier aussi crucial, énonce les termes corrects de l'équation. Et il disait, voilà, nous avons besoin en Europe, d'ici 30 ans, de 50 millions de migrants non-européens. 50 millions. Pour maintenir à flot ce système de retraite. C'est-à-dire que pour que les boomers puissent avoir accès à leur pension, il nous faut 50 millions de larbins qu'on va faire venir d'Afrique et du Moyen-Orient. Qui nous avait donné le chiffre, à mon avis qui était un chiffre d'ailleurs assez sous-évalué, mais bon, qui était quand même un chiffre qui avait valeur officielle, c'était quand même quelqu'un qui était en responsabilité. Donc tous ces mecs, ils parlent comme ça entre eux, faut pas rêver. Dans les ministères, dans les cabinets ministériels, quand ils parlent des questions de retraite, etc. Ils parlent comme ça d'immigration. Et ce qu'il avait dit Delevoye, il avait dit, il faut arrêter de diaboliser l'immigration parce que nous avons besoin de l'immigration. Évidemment, ces gens-là, les décisionnaires français, adoptent un point de vue purement statistique. C'est purement statistique. Eux, pour eux, c'est 1 plus 1. À aucun moment ne leur vient à l'idée qu'un Français de souche n'a pas du tout le même potentiel de productivité qu'un cafre du Mali. À aucun moment, ça leur traverse la tête. Un être humain est un être humain, hein, donc c'est la maçonnerie, bien entendu. Donc, un être humain, c'est une machine à créer de la richesse. Et donc, il nous manque de machines pour créer de la richesse. On va importer des machines d'Afrique. Ils sont bien, en plus, ces machines, elles font d'autres machines assez rapidement. Dès qu'on remet un petit peu le carburant, ça fait d'autres machines. C'est sympa. C'est tout bénef. En plus, ça nous fait une retraite, on va bien, on va vivre une vie paisible, et puis bon, quand on sera plus là, c'est pas grave. Après le déluge. C'est ça, c'est exactement cette logique-là. Alors que la résolution des problèmes de démographie à travers la population européenne pourrait régler une partie du problème, à savoir s'attaquer à la contraception, à l'homosexualité et à l'avortement. Moi, les 50 millions, je vous les trouve. Non, mais il y a de ça, je pense que c'est aussi une approche fiscale. C'est-à-dire que tu dois avoir un avantage concret, matériel, dans ta vie quotidienne, d'avoir une famille nombreuse. C'est-à-dire que tu dois avoir une incitation très forte à avoir une famille nombreuse ou relativement nombreuse, parce qu'en fait, de quoi parle-t-on ? C'est d'avoir environ trois enfants par famille, en gros. C'est ça qu'il faudrait. Bon. Oui, enfin, si ça se faisait actuellement, ça serait problématique. Hein. Alors oui, parce qu'il faut des critères ratios. Oui. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a besoin de croître indéfiniment, d'avoir des villes où on est les uns sur les autres, ça, c'est encore une autre histoire. Non, je suis d'accord avec toi. Avec la technologie, tu n'as pas besoin d'avoir. Tu maintiens un certain niveau, soit, mais tu n'es pas obligé d'avoir une natalité de 3. Hein, entre 2 et 3, c'est bien. C'est pas obligé d'avoir. Oui, mais tu dois intégrer le fait que nous allons déjà perdre massivement des habitants sur les 30 prochaines années. Ah oui, c'est certain. Donc, c'est très théorique ce que je dis, bien évidemment, parce que c'est pas ce qui se passe et personne n'évoque même ce type de solution. Mais par la robotisation et par une redynamisation de la natalité autochtone, on pourrait résorber toute une série de problèmes. Et aussi, il faudrait, notamment parmi les solutions, moi je dis, il faut moduler l'accès à la retraite au nombre d'enfants qu'on a. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si quelqu'un ne veut pas avoir d'enfants, bon, c'est son choix. Mais à ce moment-là, il ne doit pas pouvoir escompter avoir une retraite significative. Ouais, proportionnée, tu veux dire. Bah, si tu ne contribues pas biologiquement à la perpétuation du pays, pourquoi la collectivité devrait, alors qu'un système comme le système de retraite est financé par les actifs en faveur des gens qui sont en retraite, si tu refuses de contribuer, de perpétuer la solidarité intergénérationnelle pour perpétuer le pays, si tu refuses de le faire, tu ne peux pas demander ensuite, en retour, que la collectivité soit solidaire de toi. En t'offrant une retraite. Oui. Voilà. Mais si on expliquait ça aux gens, les gens ne seraient pas choqués. Ils comprendraient très bien ça, qu'il y a un phénomène de solidarité intergénérationnelle. On peut être aussi, on peut aussi arrêter d'être socialiste avoir des retraites privées. Hein. C'est pas interdit non plus. Hein. Je pense que cette mesure serait très très mal accueillie par les classes les plus aisées, qui tendent à faire moins d'enfants et qui tendent aussi à beaucoup aimer l'argent. À mon avis, c'est une mesure qui rencontrerait beaucoup d'obstructions. Ce serait possible. Mais de toute façon, je veux dire, c'est très théorique, puisque je veux dire, voilà, il faudra l'adopter tout de suite. C'est pas le cas. Le système de retraite en l'état n'est pas sauvable. On peut pas le sauver. Il est condamné. La dénatalité a déjà fait des ravages dont on va voir les effets sur les 10 à 20 ans qui viennent. Pendant ce temps-là, et ça c'est le pire, parce que vous avez le phénomène de dénatalité, ce que connaissent par exemple des pays comme la Pologne, enfin tous les pays de l'Est, quoi, Pologne, Slovaquie, Roumanie, bon, ça c'est une chose, ça crée d'énormes problèmes. Mais la France, il n'y a pas que la France d'ailleurs, il y a d'autres pays d'Europe de l'Ouest qui font ça, mais la France, en plus, a opté pour l'immigration de masse depuis 50 ans. Donc, dénatalité des autochtones, immigration de masse en provenance essentiellement d'Afrique et maintenant du Moyen-Orient, là, c'est la recette du succès, hein, oui. J'allais dire, c'est la recette du suicide. Tu vois ? Oui, c'est pareil. Non, mais vraiment, je veux dire, là, parce qu'il va y avoir un dépeuplement dans les pays de l'Est, par exemple. Mais bon, ils peuvent adopter, comme Orban essaye de mettre en place, ils peuvent adopter des mesures de redynamisation. Ils peuvent aussi robotiser à outrance. C'est ce qui est en train de se préparer, notamment en Asie. Donc, il y a des solutions. Mais en France, on a installé un système qui est complètement différent et qui, sur le court terme, est beaucoup plus séduisant pour les gens qui, comme Delevoye, comptent 1 plus 1. Tu vois, venir un nègre, voilà, ça coûte un billet d'avion, quoi. Il est malhonnête, parce qu'il prétend qu'en faisant venir en masse des immigrés, on va financer les retraites. C'est un énorme mensonge. Pour deux raisons. Ça marche ? Non, pour deux raisons. D'abord, on est dans un pays de chômage de masse, premier point. Deuxième point, ne payent les cotisations retraite que les gens qui travaillent. Troisième point, parmi les gens qui font venir, la plupart sont quasiment inemployables. Alors, ces gens-là vont payer les retraites ? Mais vous pouvez en faire venir 10 millions, 20 millions, ils ne paieront jamais les retraites. Mais c'est pas grave, on leur file de l'argent, ils vont consommer des trucs. Ils font c'est exactement ça, c'est tout logique. C'est du court terme, c'est pas fait pour voir d'ici 10-15 ans. Même s'ils bossent pas, etc., on leur file des trucs, ils vont acheter. C'est diversifié. Bon, ça bouffe beaucoup de KFC, le nègre. Hein, bouffe beaucoup de poulet, donc ça va dans le poulet. Mais effectivement, c'est de la perte. C'est un capital qui se fait bouffer. Mais ça fait tourner la machine, tu vois. Oui, d'accord, mais ça, ils ne le disent pas. Ah ben non, ils ne le disent pas, bien entendu. Au petit blanc, non, mais en fait, ils ne vont pas financer directement. Ils vont financer en dépensant, en consommant, avec l'argent qu'on t'aura pris à toi. Bah oui. Ouais. L'argent qu'on prend par les impôts et aussi les dettes. Oui, c'est ça, la dette. L'argent qu'on économise en faisant baisser le coût du travail. Et en foutant des millions de gens sur la touche au chômage, oui. Aussi. Bah oui, c'est parce que c'est de ce fait, ton labeur, si tu veux, coûte moins cher et permet donc d'avoir... Comme ça, t'es moins payé, t'es plus taxé, et ton cousin est au chômage. Bonjour. Oui, mais ça, ouais, c'est le système français, hein, mais les élites françaises s'y retrouvent. Hein, elles s'y retrouvent. Le système français, c'est ça, c'est tout le monde, c'est l'élastique autour du SMIC, quoi, en gros. Hein. C'est pas en gros, c'est ça. Donc tu as en bas de l'élastique, tu as le nègre, et puis bon, un petit peu au-dessus, dès que tu as 1,5 SMIC, tu es riche, quoi, en gros, hein, en France. Hein. C'est... Parce qu'après, tu as le fisc, hein. Le fisc qui arrive, attention, oh putain, oh, oui, il est où mon fric ? Il est où mon fric, hein ? De toute façon, passer au-dessus de 2000 euros, tu te fais assassiner. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, apparemment, quand tu touches 4000 euros par mois, t'es pauvre. Hein. C'est Ferry qui a annoncé ça cette semaine. Hein. Ouais, non, ce qui a choqué, alors pauvre, moi je dirais pas dire quelqu'un qui touche 4000 euros est pauvre, mais ce qui est choquant dans ce qu'il a dit lui, c'est pas le montant qu'il touche, c'est qu'il ment sur ce qu'il touche. C'est-à-dire oui, que c'est un ancien ministre et tout, faut arrêter, quoi. Je veux dire, j'ai 3000 euros par mois, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Non. C'est ça qui a fait réagir, hein. Voilà. Mais aussi, c'est ça qui est choquant dans son truc, c'est que le mec a des goûts de riche, mais il faut avoir les goûts que tu peux te payer avec 3000 euros, c'est aussi simple que ça, Il les a, en fait. Il les a, en plus. J'ai ça de retraite, mais ils vendent des bouquins, quand même. Enfin, tous ces trucs-là, ces bouquins doivent être achetés directement par les universités, donc ils doivent avoir directement des trucs qui sont... Ouais, de l'argent qui rentre. Mais il y a quand même quelque chose de révélateur, c'est le boomer qui a 3000 euros et qui se plaint, quoi. Je veux dire, et c'est la même génération qui a organisé l'immigration de masse et qui compte bien en retirer les dividendes, tu vois. Et toi, t'es là, t'es le petit blanc. Imagine, t'es un petit blanc, je sais pas, d'une trentaine d'années. T'es précaire, tu vois, t'es à l'intérim, t'essaies de joindre debout, tu vois des gens comme ça parler comme ça. Bon. Luc Ferry, il a 200 bouquins pour les droits d'auteur traduits dans 45 langues. Donc je pense que ça va. Ah ouais, c'est un auteur qui est vachement prolixe, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Ça veut pas dire que c'est de qualité, mais je veux dire, c'est un auteur prolixe, quoi. Je veux dire, 200 livres traduits dans je sais pas combien de langues. Ouais, c'est. Non, c'est quelqu'un qui vit très bien, c'est évident. C'est évident. Mais voilà, bon. Je sais pas. Bref. On va continuer à garder l'armée au Mali, et puis peut-être un peu plus au Tchad maintenant aussi, là, parce que le septuagénaire qui tenait le pays est mort, donc bon, c'est compliqué tout ça, compliqué. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale, et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie Participative. Wir steigen heute Nacht die Zauberweisen, wildes Volk und Liliths Art, lauernd Winde heimlich wart. Lasst uns zu den Feuern streifen, raunen nach den Sternen greifen, Gutes und auch Böses vor, tragen wir heut Wort und vor. In den Weiden werden unsere Träume klingen und die Winde werden unsere Lieder singen. Lasst uns mit den Funken übers Feuer springen. Der Wald, wo ist Nacht? Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 17. Nous fait le plaisir de nous rejoindre Diabolix. Salut Diabolix, ça va ? Salut à tous, désolé, mais bon, saison de barbecue oblige, je suis un peu en retard. Alors messieurs, avant d'entamer la seconde partie en tant que telle, je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé là lors de l'hommage à Jeanne d'Arc pour le 9 mai à Paris, où nous avons vu des images circuler sur les réseaux sociaux. On voit Yvan Benedetti, président de l'œuvre française, leader aussi, je crois, du Parti nationaliste français, être très violemment agressé, on peut même dire lynché, par des dizaines de personnes hurlant, vociférant, le bastonnant à terre. J'ignore l'origine alléguée de cette, comment dirais-je, de cette de ce passage à tabac, mais il en traitait de nazi, je crois. Voilà, voilà. Donc c'est ça. Donc la scène est la suivante. On pourra même incruster un petit peu de son. Donc voilà. Donc Yvan Benedetti a été pris à partie, d'après ce que l'on voit, ça n'a pas été démenti, par des militants de l'Action française, organisation monarchiste, fondée entre autres par Charles Maurras, animée par Charles Maurras. Donc est prise à partie et parce qu'en fait Yvan Benedetti était venu poser une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Il avait aussi d'ailleurs rendu un hommage par la même occasion à Napoléon Bonaparte. Bon, tout avait l'air de bien se dérouler jusqu'à ce qu'il soit violemment pris à partie, tabassé et comment dirais-je, bousculé, rejeté hors du cortège par ces militants donc monarchistes au cri de « Dehors les nazis bon. ». Alors, évidemment, je n'ai pas le contexte. Je ne sais pas ce qu'en dit la direction de cette organisation appelée l'œuvre française. Il y en a plusieurs, en fait. Hein. Il y a plusieurs dissidences à l'intérieur de ce mouvement. Alors, comment dire ? Bon, est-ce qu'on peut commenter brièvement cette scène absolument déplorable ? Moi, je tiens à dire d'emblée que je suis absolument effaré par ce que j'ai vu, absolument effaré. Qu'il y ait des désaccords politiques, idéologiques, etc., ça s'entend. Que parfois, il y ait, des mots, quelques quolibets, etc., parce qu'on n'apprécie pas telle ou telle figure, bon, voilà, ça peut faire partie aussi du métier. En revanche, les scènes qu'on a vues, dans le défilé, c'est absolument ahurissant, déplorable, l'image renvoyée est absolument désastreuse, et rien ne justifie un pareil comportement, mais alors strictement rien. Quant à l'accusation qui a été scandée pour légitimer ce comportement d'arabe de banlieue, hein, excusez-moi, 15 une espèce de meute, là, ils étaient à 15, une dizaine, en tout cas au moins une dizaine, mais il y en avait encore plus autour, hurlant, vociférant, tabassant un homme à terre qu'ils ont pris à partie avant de le chasser. Ça, c'est des comportements que moi, j'ai vus chez les Arabes. Ça fait quand même un petit moment que l'Action française a basculé dans une sorte de philosémitisme et d'antiracisme de droite. Ça va faire le lien avec la suite de l'émission lorsqu'on va évoquer le Rassemblement National. Ils en sont maintenant venus à être des chasseurs de nazis, en fait, comme les Klarsfeld. Ils sont dans une logique de politique politicienne de dédiabolisation, au point où maintenant on n'arrive vraiment plus les confondre, illogiquement avec les gauchistes, puisque le logiciel, c'est finalement... tu peux être français, peu importe ta race, si tu aimes le roi, ça n'a aucun sens, c'est débile. Bien sûr, si jamais vous dites un truc pareil, si jamais vous pouvez remonter dans le temps et parler à Maurras d'un truc pareil, il vous aura regardé avec des gros yeux en disant « Mais de quoi tu me parles ?» Concernant en plus cette histoire de philosémitisme qui est nouveau, hein, ça bien sûr c'est l'ADN opposé de l'action française. Les Juifs ne seront pas dupes. C'est vraiment une stratégie débile. Mais c'est pas une stratégie. Je veux dire un truc là-dessus. C'est-à-dire que certains disent oui, mais il y a des pas de gens de l'intérieur, mais de ce mouvement ou d'autres mouvements, mais des gens qui sont toujours des partisans de la dédiabolisation. Ils disent non, mais c'est tactique. Non. Pas du tout. Ça, c'est une erreur d'analyse. Attention. Ce n'est pas du tout tactique. C'est l'expression d'une conviction réelle. Et c'est ça qui est important à souligner. Il ne faudrait pas se tromper. Je te rends la parole après, Pierrot, bien sûr, mais quand tu dis c'est la dédiabolisation, c'est pour paraître... Oui, je suis d'accord. Une volonté conformiste derrière ça pour essayer de pouvoir un peu être accepté dans le jeu politique. Mais attention, ça traduit une véritable adhésion idéologique. C'est-à-dire que maintenant, le philosémitisme à l'Action française fait totalement partie du programme. Ce qui est ahurissant quand on connaît l'œuvre de Maurras. Enfin, Je pense que... il y a aussi un côté de tous ces sympathisants de l'Action française, une certaine, comment dire, un petit peu comme les antifascistes avec tout ce qui est de droite, l'Action française a la même réaction hystérique et enfantine pour tout ce qui peut dire du bien de ce qui est de l'autre côté du Rhin. Hein. Effectivement, peut-être Ivan Benetti a dû dire que ma foi, c'était peut-être mieux d'être occupé par des Allemands que par des Arabes. Je sais pas, hein, je sais pas l'objet de la chose, pourquoi il était traité de nazi, ce qui est pas faux. Mais alors, pour quelqu'un de l'Action française, dire ça, c'est être l'incarnation du diable. Ils sont issus de Charles Maurras, hein, par la doctrine, enfin, qui était la figure de ce mouvement-là, qui a eu des textes effectivement antisémites, considérés comme antisémites maintenant, mais Maurras était surtout un anti-Bosch fanatique. Ces gens-là sont dans cette suite. Et, oui, et par idée d'association d'ailleurs, parce qu'il y a un phénomène de projection, c'est en fait que derrière la figure du Bosch aujourd'hui, ou de l'Allemand fantasmé, parce que, entre nous soit dit, quand vous visitez l'Allemagne aujourd'hui, attention, hein, c'est pas la Prusse, hein, c'est l'Allemagne de Merkel, hein, multiculturelle, etc. Ça a rien à envier aux autres démocraties juives. Hein. Mais je veux dire, association, c'est la diabolisation de l'homme blanc. Oui, un peu trop clair, un peu trop. C'est le péché du racisme. Blanc. Mais, et bah, justement, je vais corriger mon propos du coup, parce que c'est vrai que je suis allé un peu vite en besogne. Je vais prendre la comparaison avec le mouvement des identitaires, dont la dissolution a été confirmée très récemment. C'est pas une surprise. Alors autant pour les identitaires, je suis convaincu qu'il s'agit là d'une stratégie, dans le sens où en fait, les leaders identitaires font vraiment de la lèche très très grossière aux juifs, et la base militante, à mon avis, il est beaucoup plus mitigé, majoritairement par rapport à la question juive, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Par contre, les leaders, oui, bien sûr, ils en font des tonnes. Hein. Concernant l'action française, et là, je ne le dis pas pour créer une polémique, je le dis parce que je l'ai vu, il faut quand même reconnaître que les militants de base de l'action française sont de plus en plus colorés. Voilà. On voit quand même des trucs bizarres pour des monarchistes français. Des gens qui viennent pas de l'Hexagone, hein. c'est très clair. Enfin, c'est très clair, non, du coup, c'est très foncé pour le coup. C'est des choses que je ne trouve pas chez les identitaires, par exemple. On peut leur trouver des griefs idéologiques, et ça peut expliquer, bien sûr, un anti-germanisme qui est en décalage, puisque bien sûr, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas nationaliste, pas du tout. Et par contre, dans l'histoire, les Allemands ont eu une construction raciale et une pensée raciale très forte. Et peut-être que ces gens-là, ils se disent, bah, moi, en tant que métèque assimilé, ça me pose problème. Ah, mais c'est tout à fait évident. Ou alors, par contre, ça, c'est une opposition qui est c'est une opposition idéologique complètement absurde. Genre, de prétendre que le mouvement monarchiste est incompatible avec une pensée raciale, je veux dire, par construction, c'est je ne sais pas qui a eu... ça, c'est une déformation sous l'effet... du démocratisme multiculturel contemporain. et de la propagande républicaine. Ni plus, ni moins. Vous auriez expliqué à un monarchiste, il y a un siècle, qu'un Français pouvait venir d'absolument n'importe où sur Terre, on en aurait fabriqué comme ça, avec des cafres, avec des musulmans, etc. Rappelez-vous du texte de Maurras, plein d'inquiétudes après l'annonce de la construction de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris. Bon, je veux dire, je ne sais pas qui c'est qui a... Il y a quand même un discours qui se fonde sur... par exemple, en Amérique, on était gentil avec les sauvages, alors que les méchants protestants, ils étaient méchants. Oui, c'est toujours en négatif, ça. C'est marrant, oui, c'est toujours en négatif, donc, tu vois. Ben c'est ça. Donc, il y a une. Enfin, d'ailleurs, c'est les gens qui disent ça, ça vient de l'Action française. Hein, ce discours-là, je l'ai entendu chez eux. Hein. Ça, c'est pareil. Donc, pareil avec les nègres. Oui, la République, etc., qui voulait civiliser les races inférieures, que non, mais parce que bon, c'est pas des races inférieures, on n'a pas les colonisés, mais bon, vu qu'ils sont là, quand même, sont des chrétiens, ils ont une âme. Hein, ils sont pas tous chrétiens d'ailleurs. Hein. Oui, ouais, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, du moment qu'ils font France. Ouais, ils font France, effectivement. Du moment qu'ils s'assimilent, tu vois, ils s'assimilent. Bon. Ils font l'assimilation républicaine, l'Action française et tous ces avatars de la droite, ils sont. Ils ont tous été absorbés par le républicanisme français, c'est tout. Ouais. Voilà, point barre. Et pas le meilleur penchant. Parce que, bon, ah non, tout à fait. C'est pas Adolphe Thiers, quoi, quand même. Hein, c'est... Oui, je te l'accorde. Oui. Mais comment dire non, mais je crois que ce qui a beaucoup. La racine du problème commence avec la colonisation, nonobstant. Quoi. Je veux dire, il y a eu l'idée de glorifier l'empire colonial, et quand vous vous amusez à glorifier l'empire colonial, ben, vous vous amusez à glorifier aussi les colonisés, hein, fatalement. Quand vous recourez à des troupes coloniales pour aller casser du Bosch, même si c'est que 5%, comme durant la Première Guerre mondiale, eh ben, ils gagnent des droits sur vous, au plan moral. Symboliquement. Droits moraux. Quand vous envoyez des nègres occuper la Rhénanie. Mais droits moraux qu'évidemment les Français s'empressent de céder. Voilà, ça commence comme ça avec la Première Guerre mondiale. Et puis, on recommence à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est encore plus paroxystique, puisque le national-socialisme défendait une conception du monde qui était une conception notamment fondée sur les réalités raciales. Donc, quand vous sollicitez à nouveau des troupes coloniales pour faire la même chose comme Charles de Gaulle, pour rétablir la République, vous amplifiez encore plus cette déformation cosmopolite. Et puis, 70 ans plus tard, là, c'était justement, on est le 9 mai, lendemain du 8 mai, là, on célèbre la victoire des Juifs en 1945. Bon, ben voilà, je veux dire, vous arrivez à des scènes comme ça. Alors, enfin là, on parlait plutôt de l'évolution de toute une série de mouvements, et en tout cas de ce mouvement-là au plan idéologique. Moi, je ne sais pas comment va réagir leur direction, s'ils vont condamner ce qui s'est passé, se démarquer, dire qu'ils ne cautionnent pas du tout ce qui s'est passé, que ce sont des éléments incontrôlés qui ont lynché Yvan Benedetti, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que Yvan Benedetti, d'abord, le traité de nazi, bon, comme vous l'avez bien dit, c'est typiquement une accusation gauchiste. Voilà. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir des antifas sur la vidéo. Hein. Je vous le dis tout net. J'ai eu l'impression de voir des antifas. Voilà. 15 sur 1, au cri de sale nazi. Voilà, j'ai cru voir des antifas. Voilà. Yvan Benedetti, on sait qui c'est. C'est un homme dont le mouvement a été interdit par Manuel Valls. Que je sache, l'Action française à pignon sur rue. Bon, bah, tel n'est pas le cas pour l'œuvre française. Manuel Valls avait même dit que c'était la matrice, je crois, du nationalisme français, me semble-t-il, ou d'un nationalisme français raciste, antisémite. Bon, Yvan Benedetti a quand même gêné les Juifs, hein, et il l'a payé à coup de procès, à coup de persécution, de surveillance. Voilà. Excuse-moi, Donald, de t'interrompre. Ouais. Je voulais absolument mettre ce point à l'honneur, à coup de poing dans la gueule aussi, puisqu'en fait, cet événement-là, ça fait 35 ans qu'Yvan Benedetti fait une allocution tous les ans en hommage de Jeanne d'Arc à cette date précise. Et à 35 ans, il s'était fait prendre à partie par une milice armée du Bétard qui était très protégée par le gouvernement. D'ailleurs, le site Jeune Nation en a fait une chronique cette semaine avec la diffusion d'un documentaire tout à fait consensuel. Hein. Ça vient de Public Sénat, donc c'est pas un truc complotiste d'extrême droite, où on voit que des membres du Bétard se vantent d'être protégés par le gouvernement, de pouvoir faire n'importe quoi. Le gouvernement socialiste, il faut préciser. Ouais. Le gouvernement Mitterrand de l'époque. Des mecs du Bétard qui sont en garde à vue, t'as Badinter qui arrive pour les faire relâcher, et puis après quand on interroge Badinter, il fait « Oh non, je me souviens pas, ouais, bon voilà, juif quoi ». Et à cette occasion, il y a 35 ans, bah, Yvan Benedetti donc, s'était fait passer à tabac par ces juifs armés de Baramine, parce qu'en fait, ces juifs-là militants voulaient chasser du nazi, bah, comme l'Action française finalement 35 ans plus tard, quoi. Oui, d'ailleurs, Meir Habib avait été condamné parce qu'il avait justement mis un coup de barre de fer dans la tête de Benedetti, ouais. Me semble-t-il. C'est donc, ça. L'Action française est du côté de Meir Habib, donc l'Action française du Likoud. Donc là, c'est assez. Alors, je ne sais pas si c'est Meir Habib lui-même qui a mis un coup dans la tête d'Yvan Benedetti qui était sérieusement blessé. En tout cas, il était dans le groupe de cette milice armée. Il a été condamné à payer des réparations qu'il n'a jamais payées parce que les juifs et l'argent, vous savez. Hein. Oui, c'est toute une histoire. Il est parti en Israël quelques années, c'est passé, puis il est revenu, député français, voilà, c'est ça, tout à fait. Chargé de la lutte contre le terrorisme, alors que le Bétard était une organisation terroriste. Bon, bah. Ce qui fait un point de convergence maintenant entre Meir Habib, bien sûr, l'Action, et l'Action française, mais aussi Manuel Valls. Hein. Virulent républicain en France, mais il est vrai, virulent monarchiste en Espagne. Donc il y a peut-être là une convergence, je ne sais pas, mais bon. Alors en tout cas, bon, les scènes sont absolument déplorables. J'espère que les gens de nos milieux, de notre sensibilité ou de nos sensibilités condamneront de manière tout à fait explicite de tels agissements et se démarqueront des gens qui en sont responsables. Voilà. Ça, il faut absolument que ce soit clair. C'est absolument intolérable. D'accord. Quand Maurras avait quelque chose à dire à quelqu'un parce qu'il n'avait pas aimé ses déclarations, il le provoquait en duel. Il ne tombait pas dessus à 15 comme des bougnoules de banlieue. Comme des bougnoules. Voilà, bon, point barre. Les méthodes employées suffisent à condamner les intéressés. Hein, voilà. Il n'y a aucune espèce de virilité à tabasser à 15 un mec. Hein. Il n'y a aucune espèce de virilité là-dedans. Hein. Je ne sais pas ce que ces mecs ont dans le crâne, mais il n'y a aucune virilité là-dedans. Et encore moins d'honneur. Donc, bon, moi, c'est fin de nous recevoir. Bon, voilà. Mais bon, hein, c'est visiblement à l'image de l'évolution de cette organisation qui aujourd'hui est. Oui, enfin, c'est l'organisation dirigée par Belker, c'est un Soudanais, quoi. Enfin, un machin issu de tirailleurs soudanais, pour le coup, qui vient, effectivement, lui, il a une haine du Bosch, hein, effectivement. Oui, non, mais d'accord, j'entends bien, mais on ne peut pas dire que Yvan Benedetti. Place vraiment la question raciale au centre de son discours. Enfin, moi, c'est pas non, ce qu'il... Non, non, mais il a dû dire un truc sur... dire que peut-être le régime... Enfin, l'Allemagne national-socialiste était peut-être préférable à l'invasion africaine. Je pense que c'est une connerie comme ça. Mais ça suffit pour que le sang nègre de Belker ne fasse qu'un tour. Hein. Oui, c'est d'autant plus débile et regrettable que je pense ici nous, on est des nationaux-socialistes assumés, et on a une ligne qu'on pourrait qualifier d'européiste, voilà, en gros. Hein. Alors que l'œuvre française, Jeune Nation, c'est plutôt une ligne franco-française, quoi. Donc ça devrait ne pas trop déplaire à l'Action française. Il n'est pas en mode à Hitler, ils vont venir ici. Oui, c'est le nationalisme classique, français, voilà, historique. Ouais, voilà. Français, oui. Ouais, bah ouais. Bah on va voir, hein, on aura peut-être plus d'informations. Voilà, je crois que les, Oui, mais enfin, les Français, ils, vas-y. ne sont plus les bienvenus, même à l'extrême droite française. Oui, non, mais c'est la transition avec la suite. Ouais, c'est un peu ça. Hein. On a, c'est un peu ça le cœur du message, c'est-à-dire que finalement, les nationalistes français historiques, droit dans leurs bottes, qui ont jamais varié, aujourd'hui ne sont plus tolérés. Dans les hommages à Jeanne d'Arc du 9 mai, qui est lui-même un hommage parallèle à celui qui était celui officiel du Front National. C'était considéré comme trop radical. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que... même à l'extrême droite, à ce qui est à la droite du Front National, enfin maintenant le RN, c'est la chasse aux blancs. Donc. Ah oui, on va maintenant en parler. C'est la Côte d'Ivoire. Bientôt, ils vont arriver à la télé, à chacun son blanc. Hein. Oui. C'est bien, hein, on y arrive. Alors, messieurs, triste évolution qui n'est pas limitée à l'action française, puisque le navire amiral de ce qui est appelé la droite nationale. Me semble que ces deux mots sont impropres pour qualifier le Rassemblement National, mais c'est pourtant ainsi que ce parti est classé. Et on l'a vu à la faveur de plusieurs événements cette semaine, mais le plus spectaculaire, celui qui a fait le plus de bruit médiatique, c'est la farce qui a eu lieu en Bourgogne. Puisque le colistier de Julien Odoul lui a fait faux bond à la dernière minute, antiracisme oblige des deux côtés. Alors, je vais vous lire cet article de France 3, qui revient là-dessus. C'est un article assez exhaustif, et tout s'y retrouve condensé. Vous allez voir que, d'ailleurs, il y a des ressemblances frappantes avec la discussion qu'on avait précédemment. Alors, Régional 2021, mauvais buzz au Rassemblement National, infiltré par Kamel Agag Boudjalat à Belfort, et qui se retire. Donc là, nous sommes près de l'Alsace, à Belfort. Vendredi 30 avril, Kamel Agag Boudjalat a été présenté comme tête de liste dans le département du territoire de Belfort pour le Rassemblement National. Finalement, il se retire et appelle à voter contre le RN de Marine Le Pen. Pourquoi cette volte-face ? Explication, réaction. Donc, vendredi 30 avril, Julien Odoul, tête de liste régionale, présente la tête de liste départementale RN dans le territoire de Belfort, Kamel Agag Boudjalat. Cet éducateur, d'origine algérienne, est âgé de 38 ans. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, avec le lion de Bartholdi en toile de fond, le président du groupe RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, dit toute sa joie. Je suis ravi de t'accueillir dans notre équipe pour nous aider à gagner la région et pour nous aider surtout à protéger les Bourguignons et les Franc-Comtois. Toujours dans cette vidéo, Kamel Agag Boudjalat prend la parole. Il remercie le Rassemblement National de me faire confiance, je cite, faire face à cette insécurité explosive et grandissante, vivre en sécurité. Et il continue. J'espère qu'on va mettre tout en œuvre pour remporter ces élections régionales et qui vont servir de tremplin pour l'accession au trône de Marine Le Pen. Cette désignation comme tête de liste du RN suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L'information est dévoilée ce lundi 3 mai dans un article de l'Est Républicain et sur France Bleu Belfort. C'est la grosse surprise. Le candidat non seulement se retire de la liste, mais appelle à voter contre le Rassemblement National de Marine Le Pen. Après s'être exprimé dans quelques médias, Kamel Agag Boudjalat, sollicité par France 3, Franche-Comté, est devenu injoignable. Téléphone qui n'est pas attribué et plus aucune activité sur ses comptes de réseaux sociaux. C'est allé trop loin. Je mettais en danger les membres de ma famille, explique le candidat qui explique à l'Est Républicain avoir infiltré le parti de Marine Le Pen. Kamel Agag Boudjalat précise sa pensée à France Bleu Belfort. Si vous estimez que le RN est un danger, inscrivez-vous et allez voter, ou mieux encore, prenez les choses en main dans vos quartiers pour améliorer les choses. Il poursuit en disant vouloir écrire un livre intitulé « J'ai infiltré le Rassemblement national » et se justifie « Ce parti que j'ai vécu de l'intérieur n'a pas changé par rapport au Front National. Il surfe sur la haine de l'autre, la théorie du complot et du chaos, et il joue beaucoup sur les violences urbaines, notamment dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. » Le faux candidat persiste et signe mardi 4 mai dans un long entretien accordé à France 3 Franche-Comté. Ce qu'en dit Marie-Laure Duchanois, présidente du RN pour le territoire de Belfort. Voici. Ces derniers 4 jours ont été éprouvants donc pour Marie-Laure Duchanois, responsable du RN. Elle devait conduire la liste pour le territoire de Belfort, mais Julien Odoul, lui, a préféré Kamel Agag Boudjalat. Elle dit l'avoir appris vendredi, 2 heures avant la conférence de presse. Elle raconte. J'ai dit à Julien que je n'étais pas d'accord avec son choix, choix validé par la Commission nationale d'investiture. Je n'ai pas cru dans la sincérité de Kamel, son discours sonnait faux. Julien n'a pas apprécié que je le contredise, dit-elle aujourd'hui. Puis, des mots peu gracieux ont été échangés entre les deux responsables. Marie-Laure Duchanois continue. Depuis l'annonce de cette tête de liste, je suis harcelée, menacée, insultés sur les réseaux sociaux et même au téléphone. Les gens me disent qu'ils ne comprennent pas cette décision. D'avoir choisi une personne d'origine arabe, je me fais traiter de vendu, de collabo. Depuis vendredi, je suis fatigué de devoir justifier un choix que je n'ai pas fait. C'est malheureux pour Madame Duchanois, en effet. Et elle conclut, cette histoire me fait de la peine. Julien s'est fait abuser par Kamel, mais il se réjouissait tellement de faire le buzz avec ce choix. Je ne réclame pas la tête de Julien, ce n'est pas mon objectif. Pas certain que la réciproque soit vraie. Julien Odoul dit ne pas comprendre. Devant les propos de Kamel Agag Boudjalat dans la presse ce lundi 3 mai, Julien Odoul se défend bec et ongle. Je ne peux pas comprendre ce revirement. Il a pris sa carte au RN, on s'est rencontrés plusieurs fois, il a participé au clip de campagne. Il y a 24 heures encore, il me disait sa fierté de mener cet engagement. Nous l'avons accueilli à bras ouverts, comme nous accueillons tous les Français qui veulent sauver notre pays avec Marine Le Pen. Celui qui conduit en Bourgogne-Franche-Comté la liste RN régionale avance une explication. Je pense que des pressions, des menaces ont pu le contraindre à renier son engagement. S'il s'est infiltré comme il le dit, dans quel objectif? Quel but? Ce serait affligeant, révoltant. Mais je ne vais pas chercher des interprétations. Je suis surpris et blessé. Si c'est une trahison, il n'en sortira pas grandi. Quel avenir pour Marie-Laure Duchanois, après son opposition à Julien Odoul, le numéro 1 de la région? Elle veut rester au RN. La réponse laconique de Julien Odoul, on verra. Mais Marie-Laure Duchanois est candidate au régional et au départemental. Au régional, elle est numéro 2. Au départemental, elle conduit le binôme RN dans le canton de Châtenois-les-Forges. Pour ces départementales de 2021, la présidence départementale peine à trouver des candidats sur le territoire de Belfort, avec 2 femmes, 2 hommes par canton, soit 2 titulaires, 2 suppléants. Seulement 2 cantons sont bouclés sur les 9, et il manque encore une femme sur le canton de Del pour arriver à 4 candidats. Pourquoi cette pénurie alors qu'en 2015, lors du dernier scrutin départemental, tous les cantons du territoire de Belfort étaient pourvus par l'Assemblée nationale? Marie-Laure Duchanois explique que les critères d'exigence ont changé. 2 nouveaux profils sont nécessaires. Avant, les gens donnaient leur nom et c'est tout. Ils voulaient à peine être en photo sur les affiches et ne voulaient pas parler à la presse. Aujourd'hui, alors que nous sommes aux portes du pouvoir, je veux des gens sur qui on peut compter, des personnes investies militantes. Si le RN exclut Marie-Laure Duchanois, le parti de Marine Le Pen devra relancer la chasse aux candidats, une denrée rare, tellement rare. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'a fait Madame Duchanois dans l'affaire, mais apparemment, elle risque l'expulsion. Alors, d'après le parquet, en fait, on aurait retrouvé sur une porte dans le garage de Marie-Laure Duchanois, écrit avec le propre sang de Marie-Laure Duchanois, « Kamel m'a tué ». Maintenant, je ne sais pas. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, c'est bon. Ah non, c'est pas incroyable. Vas-y. C'est le fonctionnement normal du Front National de Marine Le Pen, aujourd'hui appelé Rassemblement National. C'est-à-dire que tu as des homosexuels comme Julien Odoul qui font du terrorisme, puisque bon, ils sont nommés en position de pouvoir parce que parce qu'ils apprécient se prendre des trucs dans l'oignon et ils terrorisent les bonnes gens. Cette Marie-Laure Duchanois, bon, c'est sûrement une femme qui est enfin, bon, qui a rien à se reprocher, qui est là parce que sûrement dans sa ville les Arabes commencent à arriver, etc., etc. Et là, elle s'est permis de contredire le choix de cette grosse pédale de Odoul de venir faire fricoter avec Monsieur Kamel Agag Boudjajat. Donc c'est pour ça hein, que Odoul dit oui, on verra si elle reste, hein, parce qu'elle a osé remettre en cause la parole, hein, la parole de celui qui a le pouvoir, parce que bon, pouvoir obtenu, comme je l'ai dit précédemment. Dans l'anus, donc oui. c'est une maçonnerie de l'anus qui tient les rênes. Ils ont essayé de faire la même chose à Mariani, hein, dans le sud-est, qui a failli envoyer Touchier au dernier moment. Oui, il a menacé de claquer la porte. Hein. Ah, il a menacé de se barrer. Hein. Il a menacé de se barrer parce que Madame Steve Briouat, qui va être colistier de Marine Le Pen dans un canton là, à Hénin-Beaumont, hein, après avoir viré ceux qui étaient déjà élus. Donc Marine Le Pen a envie de gameler un petit peu, hein. Ça va lui faire une indemnité en plus. Et donc elle a viré des élus de chez elle qui avaient été élus, hein, donc de précédemment dans le canton. Donc le type, hein, ils iront faire autre chose du coup. Voilà, donc Briouat avait essayé de mettre... Oui, qui est à la tête de la commission d'investiture, hein, en fait, c'est ça qui... Voilà, d'instiguer, d'inoculer le sida dans la liste de Thierry Mariani pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Oui, tu as bien fait de parler de commission électorale, parce que là, c'est un cas donc, pour cette madame Marie-Laure Duchanois. Mais cette commission électorale va bien plus loin dans la perfidie et dans l'ignoble. Il hein. Y a trois personnes à peu près qui contrôlent hein, cette commission. Il y a Bruno Bild aussi, qui est Madame Steve Riwa aussi, je pense. Et peut-être Marine Le Pen. Non, qui d'autre? Philippe Moi, Olivier, j'ai oublié le troisième, mais ouais. Enfin, ils sont à peu près trois. Oui, le beau-frère de Marine Le Pen. Oui, mais il est vraiment. Et c'est eux qui imposent. En fait, les candidats, la francisation qui décide, voilà, les candidatures pour la constitution des listes, qui procède aux mises à l'index nécessaires, qui désigne au contraire. Voilà. Mais en fait, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, en interne, dans la désignation des candidats, le Rassemblement national opère une très violente discrimination positive. Donc en faveur des gens issus de la diversité ou issus de la communauté LGBT, quoi. Mais c'est la discrimination positive. Oui, enfin, les LGBT, en fait, ils sont déjà là. Ils contrôlent. La discrimination a été faite. Ils ont déjà fait le boulot pour s'arroger les places intéressantes. Là, maintenant, c'est pour le reste. C'est-à-dire... Esprit de conquête, on va conquérir la France. Comment? Ben en mettant des Arabes et des Noirs, pardi. On va en foutre partout. Ouais. Et là, on voit bien. Alors, en revenant sur la Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même sidérant. Donc, on a cette Marie-Laure Duchanois. Moi, je ne connais pas cette dame, mais bon, qui a l'air très honnête, sincère dans son militantisme. Mais je crois que elle se berce d'illusions quant à l'ADN idéologique de l'organisation à laquelle elle appartient. Et donc elle a bien mis en garde Julien Odoul, assez naïvement d'ailleurs, en disant attention, bon, elle n'a pas dû s'exprimer comme ça, c'est moi qui parle comme ça, mais attention, c'est peut-être un melon opportuniste qui nous prépare un truc bizarre. Et puis après tout, nous sommes quand même là pour foutre dehors les bougnoules, ou en tout cas en limiter l'expansion territoriale. Une conception qui échappe totalement à la direction du Rassemblement National, qui au contraire, lui, milite pour l'expansion territoriale des halogènes. Et là, en fait, il y avait ce que vous avez vécu là, enfin, ce qu'on voit là, hein, la tension entre Odoul et Duchanois à propos de la désignation absurde de cet arabe, de cet Algérien numéro 2, excusez du peu, sur cette liste, c'est en fait la confrontation que nous avons pendant très longtemps vécue entre les partis du système et le Front National de Jean-Marie Le Pen, notamment. Alors certains me diront que oui, Jean-Marie Le Pen avait parfois des accents à caractère antiraciste, qu'il avait aussi 2-3 arabes de service, etc. D'accord, mais c'était pas l'ADN idéologique, le vivre ensemble, hein, du Front National. Hein. Bon. Surtout du temps de Stirbois, pour ne citer que lui, quoi. Donc, si vous voulez, là, maintenant, ce qu'on vit à l'intérieur du Front National, c'est que vous avez des gens qui disent « Non, mais il nous faut des immigrés. » Et puis, vous avez d'autres personnes, comme Madame Duchesnois, qui disent « Attendez, non. » Ben non. Il en faut moins. Et là, Julien Odoul est très, très, très, très colère. Il dit... Il s'excite, il s'énerve, il menace, il impose, et 2 jours plus tard, le truc explose en plein vol. C'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que Odoul est un crétin qui a monté une opération de communication totalement stupide pour caresser dans le sens du poil les médias de gauche et les bougnoules, et le truc lui pète dans les mains quasi instantanément, donnant raison à Madame Duchanois. Ben, s'il y avait une direction politique rationnelle, politiquement responsable, Odoul est débarqué dans la foulée. Il est débarqué dans la foulée. Écoutez les discussions. La victoire d'avoir raison. Et là, écoutez les discussions qu'il y a. Là, la discussion à l'intérieur, dans les sphères dirigeantes, c'est comment allons-nous nous débarrasser de Duchanois, qui visiblement a un problème avec les Arabes. On en est là, quoi. On en est là. De toute manière, tu ne peux pas te débarrasser de Odoul, parce que si tu te débarrasses de Odoul, tu te retrouves avec l'intégralité de la meute LGBT du FN contre toi. Ah oui, mais il n'y a aucune espèce d'intention de se débarrasser d'Odoul. Je dis simplement que c'est une prime à l'abruti qui en fait des tonnes dans la discrimination positive pour flatter la gauche. Ah mais tout à fait. C'est la prime à l'incompétence, c'est ce que je veux dire. C'est le type tente un coup médiatique, stupide en soi, il tente un coup, ça foire instantanément, le mec non seulement n'est pas puni, mais la nana qui alertait va être châtiée. Tout à fait. Mais quand tu vois la politique de la mère Le Pen à l'heure actuelle, de toute manière, soyons très clairs, nous sommes vers une réunionisation de l'hexagone français, c'est-à-dire que nous allons tous devenir créoles, ça va être absolument fantastique et merveilleux, commencez tout doucement à apprendre la langue, hein, les gars, ça va devenir urgent, parce que elle au pouvoir... on va se retrouver avec l'obligation de forniquer avec les nègres, l'obligation pour les nanas de faire au moins 2,4 enfants avec un nègre pour respecter les bureaux du plan. Ça va devenir très intéressant. Alors, c'est pas du tout isolé, hein, vous le savez. Alors, bien sûr, je vais pas prétendre... Il faut pas qu'on se trompe sur ce que je veux dire. C'est pas la première fois que le Rassemblement National propose des candidats issus de la diversité. Ils en avaient même d'extraordinaires. Rappelez-vous, là, cette négresse dans le sud-ouest qui avait tabassé des types. C'était une élue. En traitant de sale blanc. Hein, ouais, en traitant de sale blanc. C'était une élue RN. Hein. C'était Albi, je crois. Ouais, enfin, c'était dans cette zone-là. Ouais. Bon, donc le cirque est en place depuis un bon moment, quand même. Mais là, ça se systématise. Ce ne sont plus des anecdotes. Ça se systématise. Là, il y a un truc complètement délirant que j'ai vu dans le Finistère. Le Finistère est un des départements français les plus homogènes racialement. C'est un département, pour ainsi dire, intégralement blanc. Intégralement blanc. accepter la verrue de Brest, certaines quartiers. Ouais, ouais, un peu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont, pour les départementales, ils ont désigné, dans un canton, dans un binôme, un nègre qui s'appelle Martial Coffy. Alors, bon, ça fera plaisir à Éric Zemmour, il a un prénom français, donc il est gaulois. Alors, Martial Coffy, ce qui ne peut pas ne pas rappeler le cas de Kofi Yamian, le Togolais désigné par le Parti Socialiste pour être maire d'un petit village, qui c'était le village de Saint-Couli, avant de devenir secrétaire d'État à un machin inutile. Bref, c'était là aussi de la discrimination positive. Et ils avaient désigné ce Togolais comme maire, voilà. Mais alors, en 30 ans à peu près, on est passé d'une situation où le Parti Socialiste se livrait volontairement à des provocations, y compris dans des régions aussi homogènes que la Bretagne, déjà à l'époque, elle était encore plus homogène, en nommant des maires nègres, à une situation où c'est le Rassemblement National qui descend du Front National, qui désigne des candidats africains, en plein Finistère. Il n'y a aucune espèce de volonté d'endiguer, pardonnez-moi l'image, mais elle est très à propos, la marée noire. Vous voyez ? En Bretagne, il faut lutter contre toutes les marées noires. Il faut lutter contre toutes les marées noires. Et ce n'est plus le programme. Alors, donc, voilà... dans le Finistère, des endroits, oui, il n'y a pas de demande, ça ne peut pas être justifié en disant, oui, mais vous comprenez, c'est un département qui est tellement halogène, etc. Non, non, non, là, il n'y a pas de public, ok ? Et ben si, la Commission nationale d'investiture va vous disséminer du nègre, y compris dans les départements les plus blancs de France. Donc si ça, c'est pas un travail de pourrissement racial, je ne sais pas ce que c'est. D'accord ? Donc, on ne peut plus dire, attendez, voilà, ils n'avaient personne, ils ont trouvé ça, ça. Non, non, non, non, c'est un effort conscient. Oui, il y a ce Martial Coffy au Finistère, aussi le département très blanc en Vendée. Ah, voilà. Là où on commence à entrer dans le. Dans le dur. Dans le dur, c'est-à-dire de ce qu'est la droite française, ce que sont les médias de droite française et quel est leur projet pour les autochtones, hein, nous. J'ai du mal à nous appeler les Français, puisque manifestement, les Français, c'est pas nous, ce sont eux. Donc moi, je suis un autochtone, mais je suis plus français. Hein. D'ailleurs, l'Action française, par exemple... défini qui est français, qui ne l'est pas. Et justement, Yvan Benedetti n'est pas français. Donc, dans le tact, il faut s'adapter à la réalité des choses. Donc, ils ont oublié le traité de Salle-Corse. Oui, parce que bon, la Corse, c'est, même si c'est pas tout à fait sur l'Hexagone, c'est quand même encore pas assez l'Afrique, tu vois. Il y a... Quand les gens parlent de France, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je sors mon revolver. Je plisse les yeux et j'attends le moment où on va me dire que les nègres sont des Français et que tout ça est formidable. Bon. Alors, parlons de la Vendée là. La candidate là, je crois que c'est une Lydia Ndong. Lydia Ndong, qui a une dentition de cannibale, hein, absolument effrayante, et qui fait des vidéos TikTok avec l'éditorialiste d'extrême droite française du moment, Stella Kamenga. Ah oui, on l'écoute, on met un petit extrait pour ceux qui nous écoutent et on se retrouve pour qu'ils situent un petit peu la personne. Je suis quelqu'un qui assume son corps, je dis bien j'assume. J'assume parfaitement mes rondeurs, d'accord? Si vous avez un problème avec vos corps, c'est votre problème. Moi, j'assume mon corps et j'assume tout ce qui va avec. Donc, même les photos à poil que vous voulez voir de moi, envoyez une lettre de motivation. Montrez-moi à quel point vous êtes sérieux, à quel point vous voulez voir mes photos. Vous dites, Objet, Stella, je veux voir tes photos. Chère Stella, je viens au point de ta haute personnalité solliciter une audience pour voir des photos en lingerie de toi. Vous écrivez une lettre de motivation en bonne et due forme et vous me l'envoyez inbox. D'accord? Et je déciderai si oui ou non je vous envoie mes photos. Alors voilà. Oui, c'est oui, voilà. Alors donc, oui, Stella Kamenga. Hein, c'est la Kamenga qui Kamenga. Est une Camerounaise. Donc Camerounaise. Qui n'est même pas, française. Hein, elle n'a pas les papiers encore donc, voilà. Non, non, non. Bon, elle ne sera pas candidate cette fois-ci pour le Rassemblement national. Elle sera pour la prochaine fois. Effectivement. Donc cette Stella Kamenga alors, qui est arrivée à faire des vidéos donc là comme, comme cette autre négresse. En disant oui, la Marine Le Pen a raison, bon c'est comme les nègres de comment dire d'outre-mer quoi, hein, ça saute dans tous les sens, ça crie, ça hurle, ça chante. Là c'est quand même plus le nègre d'Afrique quand même. Oui, oui, mais enfin... T'as l'impression de voir, là, parce que là, j'ai vu plusieurs vidéos de Kamenga, alors, enfin, quand elle donne libre cours à son enthousiasme, quoi, hein, j'ai quand même plus l'impression, ça me rappelle un peu les foules complètement exubérantes qui accueillent un président dans une petite république africaine, enfin, c'est très... Ça fait très années 60, effectivement. Ouais. Déplacement du chef d'État... Donc dans les anciennes colonies, mais oui c'est ça, ben c'est le nègre qui saute qui hurle en souriant Marine Le Pen, Marine Le Pen, bon, hein, vous voyez un petit peu la chose. Et là donc cette Stella Kamenga est absolument partout, hein. Elle est partout. Éditorialiste à Sud Radio, hein, donc sous le haut patronage de Monsieur Berkoff, Juif libanais. Juif libanais. Ouais. Avec tous des gens qui ont des têtes bizarres, hein, aussi à Sud Radio. Peut-être c'est Sud. C'est Sud, ouais, c'est méridional. Hein. Oui, c'est très Sud de la Tunisie, quoi. Voilà. Exactement. Elle a aussi son rondeau de serviette chez Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, ouais. Je ne sais pas si elle n'est pas invitée. Alors oui, Valeurs Actuelles aussi. Valeurs Actuelles. Ah non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Alors bon, le cul blanc là, hein, qui fait peut-être des études brillantes dans certains domaines, mais qui a le malheur de n'être pas nègre. Bon, il peut rêver, hein, pour avoir l'exposition médiatique qu'a cette négresse. Hein, bah, j'ai envie de te dire, oui, donc c'est vrai qu'elle est à Sud Radio, elle est à Boulevard Voltaire, elle est Valeurs Actuelles, ça. Je dois dire que Alain de Benoît, en dépit de ses 80 ouvrages et quand même plus de 60 ans d'engagement, et en dépit aussi de beaucoup quand même de flexibilité, hein, ne peut pas rêver de ce qu'a obtenu la très enthousiaste Stella Kamenga en 6 mois. Enfin, ouais, en 6 mois, t'es gentil, c'est même pas 6 mois. Hein. Ça, c'est un peu ça, moins. Ça, ouais. Ça a 2-3 mois. Hein. C'est... Oui. Hein. Bah, discrimination positive oblige, hein. Qu'est-ce que tu veux, y a... voilà. Mais tous ces... Cette négresse se permet de dire ce qui est français ou pas à des gens. Ah oui, non, mais elle décrète, oui. Tout à fait, oui. Agressive. Hein. Ah, agressivement, oui. Sur Twitter, j'ai vu des trucs incroyables. Donc, il y avait des Français, parce que bon, il y a quand même encore quelques Français, tu vois, ils sont pas tout à fait au courant du projet, je veux dire. Alors, ils sont là, tu sais, on leur met quand même une... Parce qu'en plus, elle a l'accent africain, quoi. Elle a l'accent camerounais, quoi, tu vois, c'est... Oui, alors, elle se force à parler... Oui, elle essaye de châtier, mais alors, quand elle est chez elle, en webcam et tout, alors là, elle... Bah, c'est le Cameroun, quoi, Cameroun. Hein, tu vois. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, non. C'est de suite, là, on parle avec les entrailles, quoi. Hein. Ouais, voilà, bon... Et alors, bon, il y avait quelques petits Gaulois qui étaient là. Ils disaient, ah ouais, non, mais quand même, il y a des Français de souche, ce serait bien quand même que la France soit encore française, sous-entendu Français de souche, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce qu'elle, ce qu'elle explique, c'est que elle prêche pour sa paroisse raciale, hein, elle dit, voilà, bah non, tout le monde, tout le monde, il est français, là, tout le monde, il est français. Et, non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, etc. Ah, putain, elle lui tombe dessus. Et là, et Clovis, il était français, là. Et Clovis, comme ça. Alors, lui explique Clovis, l'assimilation, le baptême, etc. Alors, l'autre, évidemment. Voilà. Échec et mat, au revoir. Voilà, bah oui. La savonnette à vilain du baptême de Clovis. Alors, on peut en faire passer des divisions de nègres dans l'antique Gaule avec le baptême de Clovis. Et la droite ne s'en prive pas. Et si vous dites, et c'est ça qui est génial avec la nouvelle droite, pour le coup, c'est la nouvelle droite, hein, tu vois, c'est rien à voir avec l'ancienne nouvelle droite, c'est la nouvelle droite, quoi. Avec cette nouvelle droite, si tu oses faire preuve de scepticisme quant à l'idée que Stella Kamanga, dont tu me dis qu'elle n'a pas encore obtenu la nationalité française, ça ne saurait tarder, mais donc elle ne l'a pas encore. Si tu exprimes un doute, c'est-à-dire que tu vois, pour la droite nationale française aujourd'hui, Kamanga, qui n'a pas encore les papiers français, pour elle, c'est déjà scandaleux que tu remets en question le fait qu'elle ne soit pas française, alors qu'elle n'a même pas les papiers, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu dis à l'antenne de Berkoff, non mais Madame Kamanga, bon, très, très, très vivante, très animée, très bien, mais ce n'est pas une Française. Berkoff va t'éviscérer en direct. Comment, etc. Et si tu lui dis, ben là, elle n'a même pas les papiers français, etc. Mais oui, mais c'est une Française de cœur, tu vois, ils vont te tomber dessus comme ça. Voilà, on en est strictement là. Ça nous ramène à ce que nous disions en fin de première partie, à propos de de la gauche Manuel Valls, Rachel Kahn, Licra, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette de différence politique entre ces gens de gauche juive et le Rassemblement National et ces éditorialistes nègres de l'étranger. C'est exactement la même chose. C'est très exactement la même chose. Alors, peut-être même que Marine Le Pen sera moins islamophobe que la gauche de Manuel Valls, mais pour le reste... c'est du Rachel Kahn qui va nous expliquer ce qu'est l'identité française, donc avec d'ailleurs Mathieu Bock-Côté qui lui fait qui vient de la galaxie Bastier, comment s'appelle-t-elle, Dornelas et compagnie, hein, c'est tous ces puants là, qui font les beaux à la télévision. C'est la même chose, hein. Le projet est le même, vous allez manger du nègre, hein, que vous le vouliez ou pas, hein. C'est pareil, hein. Madame Duchanois, elle c'est pas du nègre, c'était de l'arabe, donc peut-être qu'elle va rester, mais si c'était un nègre, la question ne se poserait pas de savoir si elle pouvait rester dans le parti ou non, tu ne blasphèmes pas, hein, au remplacement national. C'est interdit. Oui, encore vis-à-vis des Arabes, tu peux encore le voyer en disant que c'est par rapport à l'islam, l'islam radical, je sais pas quoi. Mais les nègres, tu peux pas. C'est Dieu. Ouais. Ah, c'est de l'ordre du credo. Ouais. Oui, non, mais et ça, je crois que bon, dans l'émission, évidemment, on tourne ça en dérision. Mais moi, je veux insister sur un point, c'est... C'est extrêmement grave. Il faut bien comprendre une chose qui est très importante. D'abord, tu as vraiment raison de le souligner. Ce que l'on voit, c'est la sédimentation et l'unification d'un discours qui part de la gauche juive incarnée par... Même plus tellement le Parti Socialiste, d'ailleurs, étant encore un peu, mais bon... mais à partir, on va dire, de l'aile droite du PS jusqu'au Rassemblement National. Ces gens vous disent... Oui, voilà, ça va de Julien Drey au Rassemblement National. Voilà, ça va de Julien Drey au Rassemblement National, ou pour le dire autrement, de Julien Drey à Gilles-William Le Nadel. Bon. Alors, je vais te dire de Julien Drey à l'Action Française. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sédimentation idéologique qui est achevée, dans laquelle on nous explique que la nationalité française, c'est la créolisation raciale avec un très fort apport nègre. Alors après, si vous voulez, selon que vous êtes plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite, vous allez pencher plus ou moins du côté des bougnoules ou plus ou moins du côté des nègres. Voilà, c'est à peu près le curseur. C'est-à-dire que c'est... Oui, il y en a, alors, au RN, enfin, tout ce qui est à droite, on veut des nègres qui... qui sont un petit peu plus rigolards, tu vois. Voilà, peu, des nègres rigolards qui chantent la Marseillaise, voilà. Banania, tu vois, qui montrent ses dents, tu vois, et puis qui chantent la Marseillaise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. À Sad Traoré, elle ne monte pas beaucoup ses dents, tu vois. À gauche, ils ont des nègres aussi. Ah, elle monte ses dents quand même, des fois, quand elle est très énervée. Souvent la bouche fermée, hein, quand même. Alors que, bon, la Stella Kamenga et sa copine, ah oui, elle rigole, on voit leur chicot hein, en permanence. Hein, tu vois, c'est ça rigole, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est moins agressif comme ça, d'abord, oui, je vois ce que tu veux dire. Moins agressif, donc elles aiment, ah, tu aimes la France, bah, écoute, tu es français, bienvenue. Écoute, viens chier tes négrillons hein, sur le palier. Hein. J'attends que ça. Hein. Je peux très goût de balai si un petit peu trop. Pas grave. Non, dans Haïti, hein, j'ai déjà dit. Mais Haïti, ouais, non, mais ça, c'est vrai. Et comment dire d'ailleurs, moi, il y a un truc qui est assez intéressant, notamment avec l'évolution de génération identitaire. Alors, les plus jeunes auditeurs qui ont, je sais pas, qui sont adolescents, 16-17 ans, ou qui sont plus dans leur vingtaine, connaissent peut-être pas les origines de génération identitaire, mais au départ, génération identitaire, c'est une scission d'Unité radicale, et c'était un groupe qui était racialiste, blanc. C'est le bloc identitaire. Voilà, bloc identitaire, c'était racialiste blanc, européiste, c'est-à-dire pour l'unité des peuples blancs, etc. Le truc a été satellisé par le Rassemblement National et il a subi une mise au pas idéologique imposée notamment par Louis Alliot, celui qui souhaitait encore il y a quelques jours... Bon ramadan, comme patriote musulman. Oui, et puis à ses administrés de Perpignan, déjà, pour commencer. Oui. Bah oui, ça passe déjà par ça. Non mais, bah, il s'est bien fait élire par quelqu'un. Bon. Donc il y a eu une mise au pas et progressivement ils ont abandonné leur ADN. Alors à la fin ça se limitait vraiment au contrôle des frontières, c'est très très bien, j'ai pas de problème avec ça, mais c'était vraiment une castration idéologique qu'ils ont subie, d'accord, pour courtiser Marine Le Pen, parce que c'était ce que leur direction leur avait dit de faire. Bien. Bon, ça, d'abord, ça leur a pas empêché une dissolution en bonne et due forme, donc voilà, comme quoi faire des manœuvres, bon, ça n'a pas payé, ils ont été interdits comme le reste. Et puis, on a piégé aussi, entre guillemets, même leur porte-parole. Il y a un exercice absolument insoutenable de chantage organisé par ce vieux juif libanais de Berkoff, où il met Thaïs d'Escuffon face à la négresse Kamanga, et où il passe à la question Thaïs d'Escuffon, qui est Thaïs d'Escuffon, je veux dire, voilà, c'est une très jolie française, très, très, très, très volontaire, alors bon, évidemment, elle fait ce qu'elle peut dans son mouvement, enfin, elle faisait ce qu'elle peut, il a été dissous, voilà. Bon, elle essaye un peu, justement, elle essayait encore un peu de porter l'idée de la France ethnique. Eh bien, Berkoff la torture en direct pour qu'elle accepte de concéder que les nègres sont des Français à part entière, devant la Kamanga avec sa rangée de dents, s'étalant devant elle. Elle a cédé. Je ne lui reproche pas, je veux dire, elle a été passée à la question. Tous ces médias, Valeurs Actuelles, comme tu l'as bien dit, milite pour le nègre. C'est leur obsession. Avec une autre obsession. C'est la soumission intégrale à la race juive. Ah oui, alors, les deux vont de pair. C'est-à-dire que, j'en termine, je te donne la parole, mais il y a l'impératif de la créolisation avec les nègres, qui devient lancinant, donc peu importe les partis, les deux. Comme on a bien décrit, Rassemblement National, Action Française, Printemps Républicain de Valls, etc. Mais en même temps, il faut reconnaître le droit divin de la race juive à s'exonérer de cette créolisation. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'exister en tant que race et de gouverner, de régner en tant que race, y compris en ayant un état racial en Palestine pouvant se livrer à tout, ben alors à une orgie de ratonnades, il y en a encore eu récemment, hein, eux ils peuvent y aller, hein, là c'est bon. Ah oui, ils sont entrés dans une mosquée, je crois. La mosquée à l'Aqsa, hein, eux ils sont rentrés dedans, ils ont tabassé les bougnoules, voilà, et tout ça sur fond d'expropriation de bougnoules qui peut-être. Alors, Je veux dire, moi je veux dire, voilà, hein, le conflit israélo-palestinien, si vous voulez. Si, si demain la police française se mettait à cogner du bougnoul, tu vois, tu sais, ou du nègre. Tu aurais ces médias de Berkoff, serait le premier à dénoncer le nazisme. Hein, Alors, Elisabeth Lévy l'a fait dans le passé, ça. Ben oui. Il y a eu des moments, si vous voulez, et vous la verrez probablement encore refaire ce petit numéro-là. Elisabeth Lévy, elle caresse dans son... Donc ça, c'est Causeur, la même galaxie. Hein, voilà. Mais quand il y a parfois de vraies réactions raciales de la part des Blancs, Elisabeth Lévy se fend d'un texte dénonçant l'insupportable dérive. Elle l'a déjà fait, hein, je veux dire. Ça recommencera. Le juif redoute le réveil des Blancs. Ne l'oubliez pas. Voilà. C'est pas parce qu'ils vous font la cour en utilisant 2-3 bougnoules avec une barre, mais c'est que ces gens-là vous aiment. Hein. Ce que les gens ne comprennent pas, hein, j'ai l'impression. Voilà. Tiens, bah parce que puisqu'on parle de ça, Damien Rieu, ça fait la jonction. Damien Rieu, donc qui était du mouvement identitaire, qu'il a incarné pendant un temps, qu'il a quitté. Est candidat maintenant dans la Somme pour le Rassemblement National au départemental. Son binôme est Yaël Ménage. Il est sous surveillance. En dépit Non mais voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est quand c'est pas des Noirs ou des Arabes, c'est carrément des Juifs. Oui, en plus. Dans des coins perdus, quoi. Oui, mais c'est pas accidentel, c'est je veux pas, dire. C'est pas rajouté, c'est pas... Oui, bien sûr. C'est pas, je veux dire, c'est pas accidentel, c'est pas une candidature. Ah oui, mais ouais, voilà, bon, bah oui, mais non, mais il y a tellement de candidats, il y a un juif ou il y a une juive. Non, non, c'est le binôme de Damien Rieu, c'est politique. C'est politique. Et ça vient de tout en haut, ça. Et c'est pour le surveiller, hein. Alors lui, il est content, mais c'est pour le surveiller. Bon, bah dans tout ça, moi je vois pas le nationalisme français. Si vous... Ou alors il a changé, quoi. Peut-être que je sais pas. C'est peut-être nouveau, Derek. Ah oui, ça. Bah, c'est peut-être la nouvelle forme, en fait. Il faut s'adapter aux réalités. Hein. Les Français ne sont plus ceux qui sont dans les livres d'histoire. Ce sont les Stella Kamenga, ce sont les. Ouais. Les Ménaches, les Kofi, ouais. Hein, et puis les Kamel Agag Boudjajat hein, ouais. Aussi. Non, non, mais c'est le sens de l'époque. Vous avez de la bière sans alcool, bientôt des steaks sans viande, et puis voilà, vous avez du nationalisme français, mais sans français. Tiens, Porovitch, toi, je sais que tu as un point de vue assez clairvoyant d'ailleurs sur cette évolution. Enfin, pas la surprise. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? D'ailleurs, même pas exclusivement sur le Rassemblement National, mais je veux dire, voilà, sur ce mouvement de fond, quoi. Oui, bah moi, je me contentais de faire une observation qu'effectivement, le destin de la droite, hein, c'est tout simplement de ramasser les miettes de la gauche. C'est comme ça d'environ depuis un siècle. Je pense que ça a dû commencer. Quand les royalistes ont tourné le dos au roi et sont validé, la droite de l'époque a validé la démocratie, donc ils ont cessé d'être royalistes, et depuis ils n'ont pas arrêté en fait. Donc voilà, aujourd'hui, la gauche extrême, et pas que d'ailleurs, commence à passer en mode racialiste, donc du coup, ils récupèrent le bébé antiraciste, voilà, c'est une belle constance, voilà, on l'a dit hein, souvent, la droite c'est la gauche d'il y a 5 minutes, et ben on le vérifie encore aujourd'hui. C'est... Faut en rire. Alors faut en rire, mais c'est dangereux somme toute quand même, parce que ces gens-là contribuent à l'invasion. Mais je retiens de ce que tu dis, et j'en suis d'accord, effectivement, en fait, la gauche radical et comme tu le dis aussi pas que a abandonné en fait SOS racisme, hein, voilà, bon, ça les intéresse plus. La réaction d'ailleurs de Mélenchon suite à l'attentat de Rambouillet où, vous savez, une femme policière a été égorgée par un arabe tunisien, a fait un tweet. Et sur la tribune des généraux, il en a fait, je crois, presque une vingtaine. Oui, c'est ça. Voilà, bon. Voilà, bon. La gauche a abandonné. Je veux dire, bon, ils ne le disent pas encore totalement ouvertement, mais grosso modo, ils ont même abandonné les juifs. Voilà, bon, ils ne le disent pas comme ça. Pas, ça ne peut pas se formuler comme ça, parce qu'il y a quand même, hein, y a des liens très forts encore, hein, tu vois. Mais bon. Bon. Voilà. C'est clair, les choix sont faits, hein. Mélenchon a fait ses choix, d'autres ont fait leurs choix, bon, et donc, bah, le bébé SOS Racisme, comme tu l'as dit, bah, il est à droite maintenant, voilà, et donc, effectivement, on ne peut plus distinguer Manuel Valls de Marine Le Pen. C'est très vrai, hein, ce que dit Poirot, parce que Manuel Valls, pour le coup, a été dégagé de la gauche oui. Hein, comme une énorme merde. Et qui s'est empressé de ramasser le valsisme, hein, le RN, c'est le parti valsiste. Hein, c'est le parti qui se présente aux élections, qui est d'inspiration de Manuel Valls. Totalement, oui. Il n'est pas officiellement, il va dire qu'il est... De manière que oh, c'est horrible, machin, l'histoire, je suis profondément antifasciste, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Bon, mes couilles, hein, c'est la même chose. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune différence entre les deux. Et les passerelles entre les différentes figures des deux, hein, des deux mouvements politiques sont permanentes. Hein. La Rachel Kahn est invitée à Sud Radio de la même manière que. Que Sud Radio invite la Kamenga. Hein. C'est la même nourriture. Hein. C'est la même nourriture. Totalement. Ouais. Ouais, totalement. Donc ça, c'est important à relever, cette évolution. Parce que, justement, c'est ce que je disais un peu avant dans l'émission, quand Pierrot avait dit, voilà, en parlant de la dédiabolisation, que c'était de la tactique, etc. J'insiste, non. Ça a été vendu au départ comme une tactique médiatique, c'est-à-dire, voilà, on va polisser le discours, on va offrir une image un peu plus conciliante, sous-entendu, mais rassurez-vous, hein, les fondamentaux sont là et sont bien là. Pas du tout. La forme correspond au fond. Et nous sommes bien sur une phase d'adhésion total, et même de plus en plus frénétique à l'antiracisme. Parce que moi, j'observe quand même comment réagissent les commentateurs de droite, quoi, hein, je veux dire, des journalistes, des éditorialistes, éventuellement des porte-parole de mouvements et tout, sur les questions, la question raciale, etc. Plus le temps passe, plus ils deviennent... frénétiquement antiraciste. Ce n'est pas juste que... quelqu'un qui fait de la tactique en disant ah oui ouais, c'est pas bien le racisme. Non, mais... Ça vient du fond du cœur, ok. Oui. Ils sont condamnés à être plus antiracistes que les autres parce qu'ils doivent donner des gages. Parce que comme ils ont l'ancienne étiquette extrême droite, il faut qu'ils donnent des gages, qu'ils prouvent que voilà oui si. Donc ils en feront encore plus que la gauche en a fait. Ils en feront encore plus pour marquer encore plus leur opposition par rapport à la gauche. La droite ne se définit que parce qu'elle n'est pas la gauche. Ouais. La gauche est quoi ? Alors bon, la gauche est antiraciste. Bon, ben quoi, allez, on va être un petit peu raciste. Mais là, la gauche est racialiste. Bon, ben, alors les gars, ne cherchez pas. Hein. Attention, là, le danger qui menace la France, c'est le racialisme. Bon, ok, d'accord, ouais, c'est bon. Hein, c'est le cirque, hein. Et comme je l'ai dit, à la fin du cirque, à la fin de la représentation, eh bien c'est Haïti. Voilà. Oui, bah parlons-en. Alors je veux mettre ça en perspective, c'est-à-dire cette sédimentation du discours antiraciste à droite intervient à un moment où la démographie française est en train de s'effondrer. Donc ce discours-là aura des conséquences, c'est-à-dire le discours d'accompagnement de l'africanisation de la France. Alors, c'est des chiffres qui viennent de tomber, là. Il y a un rapport qui a été publié par le ministère de l'Intérieur en mars. Ça concerne les chiffres de 2018 sur la présence étrangère en France. C'est tout à fait intéressant. C'est très court, hein. donc les chiffres les plus importants. Donc le nombre de Français qui ont quitté la France en 2018, 286 000 à peu près. Le nombre de Français qui sont revenus en France en 2018, 131 000. Donc, soit un solde négatif de 155 000 Français pour la seule année 2018. Donc il y a 155 000 qui sont partis, qui ne sont jamais revenus, sur 286 000. Nombre d'extra-européens qui sont venus en France en 2018, 176 000. Nombre d'extra-européens qui ont quitté la France en 2018, 30 000. Donc c'est un solde positif de 146 000 extra-européens en 2018. Mais attention, ce n'est pas le seul chiffre. Il faut y ajouter, à Epolemia, le site de Jean-Yves Le Gallou en parle, en 2018, environ 162 000 extra-européens ont formulé une demande d'asile. En effet, il ne faut pas confondre les demandeurs d'asile et ceux qui bénéficient d'un titre de séjour. Deux catégories distinctes. Donc il faut les additionner. Et en plus de cela, nous avons les mineurs étrangers isolés qui sont encore dans une case à part. Il y en a environ 40 000 à l'heure actuelle sur le territoire. Enfin, en 2018, il y en avait à peu près 40 000 en France. Si bien que nous sommes, en 2018, nous avions grosso modo 350 000 extra-européens. J'insiste, hein, extra-européens. Ça ne concerne pas comment dirais-je, les gens qui viennent de l'Union Européenne. Oui, les frontaliers, les Allemands, ouais, voilà. Les Anglais, etc. Quoi. Ça ne concerne pas du tout ça. Donc, c'est 350 000 extra-européens qui sont venus en France et qui ne sont jamais repartis en 2018. Et face à ça, nous avons eu une perte de 155 000 Français nets. Donc, la différence entre les deux, c'est presque un demi-million. Hein, donc, le solde. Ça fait la moitié, je sais pas, la moitié de la ville de Lyon, par exemple, c'est ça. Sur une seule année. En trois ans, avec une logique comme ça, tu fais plus que Lyon, quoi. Hein, en caca, hein, entre ceux qui partent et ceux qui viennent, c'est l'apocalypse. Hein, Ouais, alors Par rapport à ceux qui sont déjà là, hein, ça compte pas ceux qui sont déjà là qui font des gosses. Hein. Des gens qui ont dit, ouais, mais il y a des vieux qui vont s'établir au Maroc, etc. J'ai regardé, c'est à peu près 200 000. Ouais. C'était 200 000 sur la totalité des Français étrangers. Je crois qu'il y a environ 2,5 millions de Français établis à l'étranger. Il y en avait 200 000. Bon, oui, il y en a 200 000. C'est un stock, ce n'est pas un flux. Il n'y a pas grand-chose au niveau flux. Là, c'est du flux, hein. c'est sur une année. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc on perd 150 000 Français, plus ou moins, tous les ans. Alors ça peut fluctuer un peu plus, un peu moins, mais là c'était pour ça. Donc tu perds 150 000 Français, généralement jeunes, qualifiés, travailleurs, voilà, hein, c'est ceux qui partent à l'étranger, voilà, ceux qui... Alors, pas tous absolument, mais enfin la plupart. Donc 150 000 que tu perds tous les ans, en moyenne, on va dire, et donc tu mets ça sur 10 ans, bon, bah, ça te fait 1,5 million en moins. Donc on sait que sous la présidence Macron, on va gagner entre guillemets plus ou moins 2 millions d'allogènes. Donc entre ceux qui sont entrés, ceux qui font les gosses, etc. Bon voilà, les clandestins, tout ça. Donc 2 millions. Donc vous voyez le truc. C'est non seulement il y a une dénatalité autochtone en France, dont on a parlé un peu avant. En plus, vous avez l'émigration française, c'est-à-dire les Français qui fuient la France parce que enfer fiscal, enfer sécuritaire, surveillance généralisée, enfin je veux dire la soviétisation, la bolchevisation complète du pays, des crétins au pouvoir, en plus avec la baisse du niveau vertigineuse, c'est-à-dire que tous les gens de talent partent, il ne reste que les crétins qui mènent des politiques pour les crétins, ce qui pousse encore plus vite les gens talentueux à fuir. Donc, dénatalité, fuite des Français du meilleur sang français et arrivée massive des allogènes. Ce que nous dit ce chiffre de 2018, c'est que grosso modo, pour un bac plus 8 qui quitte la France, on a 2 bacs et demi, 2,5 bac moins 8 qui arrivent. Grosso modo, quoi. Sur une année, mais alors vous projetez ça sur 20 ans, c'est catastrophique. Et donc là-dessus, sur cette réalité, où il faudrait sonner le tocsin en disant « mais rendez-vous compte ce qui se passe », le Rassemblement National, qu'on devrait rebaptiser d'ailleurs le Remplacement National, nous fout. Moi, je l'ai déjà rebaptisé comme ça. Hein. Oui, voilà, le remplacement national nous met des nègres, des bicots, des juifs, et vas-y que je te, et puis la République, et puis voilà. Pendant ce temps-là, on a l'Action française qui tabasse des nationalistes en hurlant au nazisme. Et on a des négresses qui débarquent de leur Afrique, qui sont présentes sur toutes les ondes pour expliquer ce que toute l'Afrique est française par que Clovis, etc. Bon, voilà. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi je dis tout ça ? Eh bien, il faut bien comprendre que tous ces soi-disant médias de droite, ces partis de droite, cette soi-disant droitisation de l'opinion qui doit être en partie réelle, si vous voulez, mais une droitisation qui va se traduire comment dans les urnes ? Bon, voilà. Droitisation qui a été canalisée. C'est-à-dire canalisée, très étroitement. Par rapport à tous les événements qu'il peut y avoir, donc on tue des flics... On décapite des gens. Bon, c'est tout à fait canalisé, puisqu'on a trouvé un problème à tout ça. Le problème, la solution pour régler toutes ces horreurs qu'on voit, qu'on nous montre, on est bien toutes les images, on en discute. Le problème, c'est qu'il y a du racialisme. Tu vois. T'as compris un peu ? Oui, il y a encore des gens qui relèvent les différences raciales, effectivement, oui. Voilà. Donc, quand vous entendez ces gens dire ça, pensez qu'ils veulent vous tuer, hein. Ils veulent vous voir crever, ou aller tout au plus vous mettre en esclavage pour nourrir tous ces putains de singes. Parce que, comme j'ai dit au départ, c'est comme les prisons, hein, faire des prisons, ça coûte un pognon absolument fou. Il y en a 300 000 qui arrivent, donc sur les 300 000, je sais pas, il faudrait savoir le pourcentage de d'immigrés qui ont déjà fait les séjours en prison, mais je crois que c'est quelque chose comme 10%, hein, assez facilement. Donc imaginez-vous le flux, le nombre de places de prison qu'il faudrait construire chaque année, où les mettre, les nourrir, c'est absolument délirant, c'est pas possible. Il y a des ordres de grandeur qui sont, oui, voilà. Non, qui sont pas sûr. Atteignables. Oui, donc ce qui veut dire que justement, quand les gens sont en train de se scandaliser, je sais pas, les flics qui sont assassinés, ou simplement les citoyens normaux hein, qui sont assassinés, ou les attentats djihadistes, etc., en disant mon Dieu, puis que vous voyez les ministres, oh là là, mais il faut réagir. Quand vous regardez simplement la démographie, la réalité migratoire, la réalité des flux à la fois entrants et sortants, non, ça ne sera jamais régulé, jamais. Jamais. S'ils se sont arrêtés de faire des prisons il y a 20-25 ans, c'est qu'ils se sont aperçus que bon, s'il fallait continuer à en faire au fur et à mesure qu'augmentaient les crimes et les migrations, du coup, ça allait coûter trop cher, que c'était pas viable. Donc ils préfèrent laisser ça et puis on va faire des trucs, on discute, on parle, et puis quand il y a des problèmes, le problème, non, mais c'est, on a trouvé, c'est le racialisme. Il y a un truc qui va pas en France, c'est ça. Et bon, moi j'ai peur de ce que peut faire Marine Le Pen qui, avec cette clique là de Caroline Fourest, Manuel Valls et compagnie, peut foutre le bazar dans l'année qui vient. Je ne pense pas que ce soit impossible pour le coup. Et faire en sorte que Marine Le Pen soit élue. Alors, Marine Le Pen élue, je pense pas qu'il faille forcément s'en réjouir, bien au contraire. J'en parlais un petit peu, on en parlait un petit peu, je crois, hier ou tout à l'heure, je sais plus. Mais quel serait le projet de Marine Le Pen, donc qui n'aurait personne pour gouverner et qui ferait à coup sûr appel à tout ce que la galaxie Valls pourrait lui donner pour gouverner. Donc du juif, n'en pas douter. Là, ils peuvent jouer les ennemis, je suis l'ennemi du Rassemblement National, du FN, etc. Ces gens-là s'entendraient et je pense qu'ils roulent l'un pour l'autre. On aurait une fermeture des frontières et une réelle mise en esclavage des Blancs pour nourrir les Nègres. De toute façon, ça, c'est le programme. Marine Le Pen, donc c'est protectionnisme, etc. Donc, on va avoir des produits, des denrées de l'étranger super chers, parce qu'on va nous taxer, du coup. Donc, il faudra payer plus, et il faudra travailler plus pour nourrir les nègres qui sont là. Donc, c'est l'esclavage qui nous attend. Moi, je crains ça. Hein. Je, je, Écoute, est-ce que je crains plus Marine Le Pen que Emmanuel Macron, pour tout te dire. Si ça pouvait attendre encore 4 ans, ça serait bien, ou 5 ans, c'est tous les 5 ans les élections, parce que là, ça risque d'être assez costaud. Moi, j'ai une théorie différente hein, sur une possibilité de présidence de Marine Le Pen, c'est-à-dire que très très vite, en fait, toutes les forces, parce qu'il y a ce qu'elle veut faire, et les intentions que les gens lui prêtent, ce qui sont deux choses complètement différentes. Et je crois que la gauche la considère comme une fasciste. Alors ça nous paraît complètement aberrant parce qu'on sait que c'est faux, je veux dire, c'est complètement absurde, mais la gauche, l'extrême gauche, en est convaincue, et puis même pour les besoins de leur propre propagande, je veux dire, ils alimenteraient le truc. Donc la moindre bavure policière qui, sous Macron, commence déjà à faire de plus en plus broncher, ce qui est déjà sous Marine Le Pen serait transformé en véritable politique d'extermination des nègres. Hein, ça serait présenté comme ça par la gauche radicale. Donc, mais après, la gauche radicale, ça pèse pas énormément. Qu'ils ont une capacité à exciter, accompagner la violence de banlieue dans les. La capacité de l'équipe Charlie Hebdo à avoir foutu la merde jusqu'au Pakistan et les attentats qui sont allés derrière, ils sont tout à fait capables de le faire et en plus, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait il y a tout un réservoir de bouilloule qu'on peut exciter à souhait pour ses propres besoins. Donc, s'ils ont envie de faire le bordel pour leurs propres besoins et faire exploser le en même temps macronien. Le en même temps macronien, il marche, il tient sur un fil. Hein. Là, avec alors d'un côté, tu avais les flics, des vidéos qu'on monte en exergue, le nègre, là, Michel Zecler, d'autres trucs comme ça. Et de l'autre, tu as des bouilloules qui calibrent des flics. Tu vois. Donc, c'est tendu, hein, l'histoire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, là, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais moi, je pense quand même que Marine Le Pen, en fait, fondamentalement, le reproche que lui font les Juifs, c'est qu'elle s'appelle Le Pen. C'est-à-dire que c'est un procès racial, c'est un procès juif. Ce que les goïms ne comprennent pas, et tous les crétins de cette droite... alors, ils sont sous l'influence, parce que si vous allez sur Twitter, vous voyez, en fait, que vous avez des gens... situé dans un tout petit état proche-oriental qui font beaucoup de travail pour démarcher l'électorat anti-arabe et anti-islam avec des comptes trolls et tout, voilà, enfin c'est évident. Le problème, c'est que les juifs de la LICRA, les juifs du CRIF, etc., ne reconnaîtront jamais de légitimité à la fille de quelqu'un qui a dit de manière erronée d'ailleurs, que les chambres à gaz étaient un détail de la Seconde Guerre mondiale. Je dis erronée parce qu'il n'y a jamais eu de chambres à gaz, donc c'est pas un détail, c'est pas la partie d'un tout, c'est la partie de rien, donc voilà. Mais les juifs fonctionnent, le péché chez les juifs se transmet par le sang. Donc ce sont des gens qui sont fondamentalement racistes. Voyez, donc pour eux, Marine Le Pen est suspecte puisqu'elle est la fille biologique de Jean-Marie Le Pen. Et on n'est jamais bien sûr avec les blancs, voyez. Le lait sur le feu peut déborder. Donc elle n'aura. C'est chez beaucoup de juifs, mais pas tous. Hein, Non, elle n'aura pas le quitus. Elle n'aura pas le quitus. Par contre, ils vont presser le citron. C'est-à-dire qu'ils vont lui faire miroiter une possible légitimation. Ils vont dire, voilà, si, cela, peut-être pourrions-nous organiser un voyage en Israël. Alors, qui dit Israël, dit Yad Vashem. Alors, Marine Le Pen rêve, Attend que ça. Comme Salvini, de pouvoir aller... Mais regardez bien, Salvini est allé à Yad Vashem. Ça n'a pas posé de problème. Les juifs n'ont pas eu de cas de conscience. D'accord ? Ils n'ont pas eu de cas de conscience avec Salvini. Ça s'est passé très très bien. Avec Le Pen, c'est différent. Pourquoi c'est différent avec Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'elle dit de si extraordinaire par rapport à quelqu'un comme Salvini, par exemple, ou à Viktor Orban, qui d'ailleurs, par bien des aspects, Viktor Orban est plus radical que Marine Le Pen? Eh bien, elle s'appelle Le Pen. C'est-à-dire que le procès que lui font les Juifs, c'est d'être la fille de son père. C'est pour ça qu'il y a un interdit. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu, malgré ses demandes, elle n'a pas pu accéder au Saint des Saints qu'est Yad Vashem. Voilà, c'est tout le problème. Alors, évidemment, c'est comme à Canossa, quoi. Hein. Il faut plier les chines. Hein. Et ils vont essayer mais vraiment d'en tirer tout ce qu'ils pourront tirer. Et dans les fêtes, bon là, évidemment, c'est encore très hypothétique, mais dans les fêtes, ils pourraient obtenir de Marine Le Pen, qui, face aux Juifs, qui, en tant que parce qu'elle est demandeuse, et face aux Juifs en position de faiblesse, ils pourraient obtenir d'elle plus de choses que de Macron, qui, de ce côté-là, n'a pas de gage à donner. Il n'a pas de gage d'antifascisme à donner. Voilà, c'est un centriste, bon... Donc je pense que Marine Le Pen serait prête à bazarder des tas de trucs, mais vraiment des tas de trucs, quoi. Les Juifs, il faut avoir une liste très très longue, d'ailleurs, très très très longue. Hein. Alors ils vont demander beaucoup de choses, quoi. Voilà. Mais ça serait uniquement si elle accédait effectivement à l'Élysée, si elle était élue. Voilà. Ça, cette phase-là ne pourrait commencer qu'à ce moment-là, quoi. Et dans la difficulté. Et par ailleurs... il se livrerait à un harcèlement médiatique systématique pour s'assurer qu'elle reste faible, ce qu'elle ne comprendrait même pas, bien évidemment. Bon, voilà. C'est pour ça que je pense qu'une présidence Marine Le Pen sera totalement chaotique, et en plus, il y a l'incompétence, parce que Marine Le Pen n'est entourée de personne. Quoi. Elle n'a pas d'homme de qualité, elle n'a pas... Bon, c'est... Il n'y a pas de mouvement, le Rassemblement National, c'est peut-être 30 000 encartés... Il n'y a pas d'élus locaux. Bah, y a moins de militants que ce qu'il y en avait il y a 15 ans. Hein. Regardez Emmanuel Macron, les difficultés qu'il a, c'est pareil, c'est un parti qui est... C'est un unique. Parti médiatique, c'est un parti monté en épingle par les médias. Et, voilà. Il y a les mêmes figures, la garde rapprochée de Marine Le Pen qui se coopte, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, et puis c'est tout, hein. Le reste, voilà, les gens de bonne volonté comme Madame, je sais plus du choix. Hein, ouais, j'ai oublié son nom, il nous enverra pas. Madame de Bourgogne. Donc ces gens-là, au bout d'un moment, ils deviennent gênants, on les vire et on leur fait comprendre qu'ils sont pas à leur place. Hein, beaucoup de il y a eu une politique de d'épuration dans ce parti absolument délirante. À faire frémir d'ailleurs les épurateurs de 1944. Hein. C'est très français. Hein, dire. Oui, mais c'était surtout très piloté par les radios. Hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a des noms derrière tout ça. Hein. Il y a des nez aussi. Oui, il y a des nez. Alors, tout ça pourquoi? Pour dire, parce qu'on va conclure là-dessus. Donc, quand on fait ce constat, qui est quand même un constat terrible, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas se perdre avec l'illusion électoraliste et démocratique. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par les élections, qui disent « Oui, mais vous comprenez, la politique, c'est comme ça, les institutions sont comme ça, on est obligé de passer par là, etc. » Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bien. Non. Vous avez des réalités démographiques qui sont tellement brutales, qui impliquent de tels bouleversements, ça va tellement vite que vous pouvez mettre qui vous voulez à l'Élysée, ça donnera exactement comme aux États-Unis Donald Trump, qui a été élu, hein, je veux dire, mais qui s'est fait stopper. Si Trump avait eu la main libre, c'est certain qu'il aurait construit son mur. C'est certain qu'il aurait stoppé définitivement toute forme d'immigration, probablement même qui ne serait pas provenue du monde musulman, par exemple. Voilà, peut-être encore ouvert sur d'autres pays, mais pas de là. Il a été bloqué, médiatiquement, institutionnellement, on a créé des troubles dans les rues avec des troubles raciaux extrêmement graves, on a monté des affaires en épingle comme la non-affaire George Floyd, le showbiz s'est mobilisé, enfin voilà, tous les réseaux s'activent, et ben aussi puissant qu'il était à la Maison-Blanche, il n'a rien pu faire, il n'a même pas pu ordonné à l'armée américaine de quitter l'Afghanistan, ce qu'a fait Biden. C'est vous dire. C'est vous dire. Et quelque part, c'est pour ça que je disais ça vis-à-vis de Macron par rapport au juste, c'est un homme de gauche, entre guillemets, bon, centre-gauche comme Biden, quoi. Hein. Un homme de gauche comme Biden a plus de liberté d'action dans un système de gauche comme celui-là aux États-Unis, avec l'influence juive, il a plus de liberté d'action qu'un mec comme Trump. Il peut se permettre plus de trucs. Voilà. Donc je rejoins ce que tu dis quand tu dis Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, ça tournerait mal. Oui, ça tournerait mal. À tous les niveaux, ça tournerait mal. Et le peu de trucs qu'elle prendrait comme décision n'irait pas dans notre direction. D'ailleurs, les propositions avancées comme, je crois que c'était quoi, le sol migratoire à zéro, mais comme on l'a dit, quand tu regardes justement le déséquilibre, en fait, même le sol migratoire à zéro, ça suffit pas, tu vois, je veux dire, ça suffit pas, tu te fais remplacer quand même. Et puis, on a un problème très grave, il y a 45% de naissances non blanches aujourd'hui dans les maternités françaises en 2021. Ah bah, oui, enfin... Il y a des naissances françaises. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, la droite française a fait sa mue afro-musulmane. Voilà. Elle est en train de le faire sous vos yeux. Bon. C'est là que c'est fini le truc. C'est-à-dire que, avec toutes les naissances non blanches qu'il y a en France, quand on a dénoncé le totalitarisme racialiste, c'est criminel. Hein, c'est criminel. Bah, c'est sciemment détruire la potentielle résistance indigène. C'est ça l'objectif, quoi. C'est clair. Les Juifs ont extrêmement peur d'une résistance blanche qui ferait face à l'invasion halogène. Ils la neutralisent tout en essayant de caporaliser les halogènes et en les maintenant sous leur contrôle. Bon, on a compris. C'est ça, mais oui. Voilà, on met la balle au centre. Bon, et du coup, on paye des allumés. Hein, voilà, les Blancs énervés, on les guide dans une voie de garage qui va être... L'impasse assimilationniste. L'impasse assimilationniste, un truc qui n'était déjà plus possible au début des années 80, et qui ne l'est encore moins avec le stock de nègres et d'arabes que nous avons, et le flux dont on a parlé, qui est donc entre les 300 000 qui arrivent pour 150 000 Français qui partent. Donc c'est absolument pas possible, au risque. Oui, alors c'est possible, Haïti, là, effectivement... Ouais. On est tous haïtiens, ou alors on est tous sud-africains, pareil, c'est la même chose. Et bon, ça n'a pas rigolé. Hein. Mais là, l'objectif de la droite, là, c'est de sauver l'État. La parousie nègre, la parousie créole que nous propose Marine Le Pen. Oui, bah, c'est de sauver l'État. Oui, l'objectif, l'objectif hein, de tous ces gens-là, c'est de sauver l'État. C'est de sauver la structure étatique, c'est de sauver la bureaucratie. Voilà, ils sont tous d'accord là-dessus, ce qu'ils appellent la République. Ils veulent sauver cette structure-là, pas sauver le peuple, pas sauver les petits blancs. Marine Le Pen en a rien à foutre des petits blancs. Ils veulent sauver la structure étatique avec le petit tricolore dessus. Voilà, peu importe la coloration ou la qualité de la population sur laquelle ce truc flotte. D'accord ? Mais c'est ça qui importe pour eux. D'accord ? Et il faut le concevoir, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, voilà. On a bien décrit la situation, donc c'est pas la peine de s'illusionner à ce moment fatidique hein, où on voit ce qu'on a décrit, quoi. Hein, des natalités, émigration, immigration de masse, surnatalité halogène, criminellement encouragée par la politique gouvernementale via la CAF, la subvention à la ponte de nègres hein, qui a lieu partout, hein, ou la subvention des mouquets, hein, voilà. Sans parler aussi de la radicalisation islamique qui traverse tout le monde musulman, donc la France, et puis les lois qui empêchent toute résistance. Oui, la radicalisation des indigènes, je veux dire, il y a quand même une criminalisation par la loi de toute forme de résistance à l'invasion. Toutes les lois juives, je veux dire, les lois Taubira, les lois Guesso, Fabius Guesso, les lois Pleven, les lois Lelouch, la loi Avia qui revient par la fenêtre, tout ça vise à empêcher toute forme de résistance. Voilà, donc à ce moment-là, bon, on le voit, je suis désolé, le cataclysme racial, il est consommé, quoi. Voilà, alors évidemment, quand tu veux juste sauver l'État, le machin bureaucratique, et puis en manger un petit peu, bah, tu vas au RN. tu vas au RN. Mais si t'es un petit blanc qui veut survivre au cataclysme racial, t'as compris que les élections vont pas te sauver, t'as compris que le RN va pas te sauver, t'as compris qu'Éric Zemmour va pas te sauver, t'as compris que donner des prénoms français à des nègres va pas te sauver non plus. Voilà, c'est... Et même, oserais-je le dire, interviewer Philippe de Villiers ne va pas vous sauver non plus. Ça ne va pas marcher. Alors, je sais que Philippe de Villiers nous a quand même imposé Jeanne d'Arc, D-A-R-K. Donc, mais bon. Oui, lui aussi est très dans amour de la France, amour. C'est très abstrait, oui. Je pense que sur le cœur de Vendée, quand les nègres vont le voir, ils vont le bouffer. Ils aiment bien les cœurs. c'est jamais particulièrement délicieux, avec un peu d'épices, cuit à l'étouffée, c'est excellent. Hein. Ah non, pas cuit. Non. Oh, si. Oui, bah, certes. En Liberia, ils cuisent pas. Hein. Et aussi en Centrafrique, d'ailleurs, où on a des compatriotes français du Centrafrique, qui luttent contre l'islam en dévorant les musulmans, littéralement. C'est un projet, alors, peut-être. Bientôt, des cannibales du Centrafrique, candidat en Normandie. Écoute, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit sur tout ça hein. Oui, moi, j'en appelle à la guerre sainte contre le Rassemblement National. Voilà. Non mais toi tu jihad. Toi tu te dis toi cher Derek, tu ne te dis plus français, toi tu dis non, moi je suis plus français, je ne suis plus d'extrême droite, je suis de gauche, je suis de gauche, un migrant de gauche contrairement à cette extrême droite française remplie de nègres. Donc moi c'est pas mon truc ça. Je suis un migrant de gauche. Voilà. Alors en fait, nous sommes les vrais Français de papier. Ah oui. c'est nous les Français de papier. Il y a les vrais Français. C'est donc toute la négraille là, très volubile, qui s'étale partout. Donc ça, c'est les vrais Français. Et puis nous sommes les Français de papier, là, les blancs avec des passeports qu'on a plus ou moins volés. Mais voilà quoi. Voilà. Intéressant. Bon, bah du coup, je peux pas compter sur toi pour voter pour Marine Le Pen 2022, alors. Eh non. Merde. Bon, bah c'est pas grave. Quelqu'un d'autre là-dessus ou on sait pas? D'accord. À la semaine prochaine, les amis. Salut. À la semaine prochaine.